nous avons découvert un nouveau type de média incroyable. Au son classique de nos émissions, il rajoute une image qui bouge. Nous recevons aujourd'hui une de ces personnes étranges qui vient nous raconter ce qu'il fait au sein de sa chaîne Y Penser. Nous sommes le 10 février et vous êtes dans Podcast Science 205. Bienvenue. Bonsoir à tous. Autour de notre table virtuelle, on a Irène depuis Santa Barbara. Salut Irène. Salut. Robin depuis Paris. Salut. Boson n'est pas présente ce soir, elle est excusée, elle dort. Si, oui, voilà, elle dort, elle est là, mais elle dort. On a Julie qu'on a dégagé de la parole pour que tout le monde soit au même niveau ce soir, parce qu'on a une chat-troupe remplie, mais elle est pas loin, elle est depuis Nice. Et puis autour de notre table physique à Paris, on a donc Bruce. Salut Bruce. Bonsoir. Qui va être interviewé ce soir de la chaîne Y Penser. Je ne vais pas en dire plus parce que vous allez en savoir plus. Et puis moi-même, Nico. Donc au programme de l'émission ce soir, c'est assez simple. On a une interview de Bruce, les plugs, comme d'habitude, et puis une quote, parce que normalement, notre cher invité nous a ramené une quote, comme il est tradition. Ouais. Qu'on appelle quote, qu'on se met à appeler dans d'autres langues aussi, citation, des choses comme ça. Et du coup, comme ça va être une assez longue émission, je vous propose de passer tout de suite à l'interview. Donc, merci d'avoir venu... d'être venu parler chez nous, bienvenue à bord. Ah merci. Hein. J'ai un peu l'impression là d'être la vieille radio qui reçoit la télé qui arrive et qui comprend pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est un côté sympa. Bref, alors ta chaîne aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, mais ta chaîne compte plus de 200 000 abonnés, comme ça on se mouille pas pour les nombres d'abonnés qui changent tous les jours. Elle a grandi à vue d'œil vu qu'elle comptait 1 million de vues en décembre dernier, 2 millions en janvier, et là au 10 février tu en es à 9 millions de vues. À ce rythme là, c'est le milliard avant la fin de l'année. Alors, voilà, pas exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 1 million de vues en décembre et 2 millions de vues en janvier. Mais j'avais déjà un certain nombre de vues. C'est-à-dire qu'en gros, que je dise pas de bêtises, au 1er janvier, je devais être à 7 millions de vues déjà. À 7 millions de vues. Donc, j'ai fait 2 millions en janvier, ce qui m'amène aujourd'hui à 9 millions de vues. D'accord, ok. Ça n'a pas explosé en mode... C'est pas en mode, d'un coup, je me suis mis à faire 7 millions de vues en février. Sait-on jamais, quoi. Je veux bien, hein. Je suis pas certain qu'il faille te présenter en détail. Tout le monde te connaît, en tout cas, tout le monde connaît sans doute tes vidéos. Tu réponds, en gros, à peu près tous les 15 jours à une question essentielle. Pourquoi bâiller? Est-ce que c'est contagieux? Qu'est-ce qu'un trou noir? Comment se forment les arcs-en-ciel? Est-ce que Aristote a eu raison au moins une fois de son vivant? Aristote. Pourquoi 42? Docteur qui? À quoi a vraiment servi Einstein? Le boson de X ou encore le LOLCAT de Schrödinger? Enfin bref, tu abordes des sujets qui sont pas forcément faciles et tu les abordes tous les 15 jours avec des vidéos plutôt longues et plutôt sympathiques. Alors, comme on a au moins une auditrice qui nous écoute depuis son ranch dans la campagne fribourgeoise en Suisse, dont la connexion est trop pourrie pour apprécier YouTube, est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots la chaîne Y Penser? Alors, Y Penser, c'est donc une chaîne YouTube dont le but est, à la base, la question c'est faire des émissions dans lesquelles je réponds à des questions que je me pose. L'idée c'est vraiment de pousser un maximum de gens à être curieux autant qu'ils peuvent et à pas se contenter d'être curieux, à aller chercher des réponses qui vont apporter d'autres questions, qui vont amener d'autres réponses, etc. Le but c'est ça. Le but c'est de se gratter la tête, quoi. Parfait. Je crois que là, nos auditeurs fonctionnent à peu près pareil, de pouvoir se gratter la tête. Et du coup, là, tu fais de la vidéo sur le web, donc question de vieux podcast audio, c'est comme faire de la télé ou il y a des différences quand même? Ah non, alors, je connais pas bien le monde de la télé, mais suffisamment pour savoir que c'est complètement différent. Déjà, à la télé, il faut qu'il y ait un feu vert pour pouvoir faire une émission à la télé. Il faut qu'il y ait à un moment donné quelqu'un, parce qu'il y a des enjeux financiers, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de chaînes qu'on veut, avec autant de disponibilité qu'on veut, donc il y a des vrais enjeux, ce qui fait que ça passe par une masse de contraintes qui est dingue, en termes de format, en termes de contenu, en termes de cahier des charges et tout. Sur YouTube, si dans 5 minutes tu as une idée, dans 10 minutes elle peut être sur YouTube. Vraiment 10 minutes? Ou sur Dailymotion. Oui, c'est-à-dire que si tu fais une vidéo qui dure 20 secondes, si tu as une bonne connexion, tu l'uploades directement, hop, tu lui mets un titre, tu balances. Ok. Ça ne veut pas dire que ce sera bon, par contre. Et au niveau technique, on va sans doute y revenir, mais la différence par rapport à la télé, c'est que tu es dans des conditions qui restent encore très amateurs. Ah oui, c'est complètement artisanal, mais j'aime bien, moi. Alors, après, c'est à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix. C'est que je pense que si je veux en faire mon activité principale, et je veux en faire mon activité principale, à un moment donné, il faudra que je m'industrialise un peu. Maintenant, s'industrialiser, ça ne veut pas non plus dire nécessairement devenir une grosse machine de prod avec des studios, avec un cadre particulier, avec tout qui est réglé, millimétré. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, le montage, il faudra que je le fasse avec quelqu'un que la prise, la captation du son, faudra que je laisse quelqu'un la faire, quelqu'un de plus compétent que moi pour la faire. Et là, pour le coup, ce sera pas difficile de trouver quelqu'un de plus compétent que moi pour faire la captation du son. Mais voilà, c'est à un moment donné, il faudra que je lâche un peu, parce que pour l'instant, je fais tout seul. Alors c'est pas tellement parce que je suis un control freak, c'est surtout que je veux assumer ce que je fais à 100%. Donc je me dis voilà, là le premier truc que je me suis permis cette année, c'est qu'il y a une boîte avec qui je bossais qui m'a fait une nouvelle charte graphique. Donc l'agence Le 6 qui m'a fait un nouveau logo, qui m'a fait un habillage graphique que je trouve superbe. Donc là voilà, c'est eux, c'est leur métier, ils savent faire et je trouve qu'ils ont très bien fait. Et le fond sonore maintenant, les musiques, etc., c'est une petite boîte de prod qui vient de se créer, qui s'appelle la Grande Table Prod. Donc c'était à la base, c'était un abonné qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, voilà, j'aimerais qu'on discute un petit peu de la possibilité de te mettre des ambiances musicales et tout. Donc voilà, il y a la musique et l'habillage graphique, mais pour le reste, c'est moi. Quand il y a une illustration, une incrustation, une animation, quand il y a un montage, quand il y a un cut, quand il y a une vanne, quand il y a n'importe quoi, c'est moi. Et donc je l'assume. Si j'ai une connerie, c'est ma faute. Et si je blesse quelqu'un, c'est moi qui dois m'excuser derrière. D'accord. L'habillage graphique dont tu parles, c'est le nouveau logo avec le haut de ta tête qui est en train de penser, et puis le fond en bleu dégradé sur la plupart des vidéos en imagette, quoi. Et avec dans le générique les petits pictos qui représentent l'atome, ce genre de choses, les engrenages. Enfin, tout le reste, quoi. Aussi la bannière dans YouTube, j'imagine, des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Ok. Alors justement, tu parlais des formats au niveau télé. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur tes formats? Parce que à ce jour, a priori, tu fais des preuves par vieux, des FAQ, des quickies, des breaking balls. Ouais. Alors, je vois qu'il y a Micmat qui est là. Bonjour Micmat. Alors voilà, ceux qui ne connaissent pas Micmat, vous tapez Micmat dans YouTube, vous vous abonnez immédiatement. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Moi, je trouve que tu es vachement bon en marketing. Hein. Je suis impressionné de voir le nombre de personnes qui le connaissent. Moi, je le connais, mais en vrai. C'est incroyable, ouais. Moi, je ne l'ai pas encore rencontré en vrai. J'aurais dû à la fête de la science. Bah ouais, à la fête de la science, il était au palais. Moi, je bosse avec lui en vrai, en fait. Moi, je me demande s'il est vraiment aussi petit ou s'il fait en vrai 1m80, il met juste une caméra au-dessus de lui. Mais ouais, donc alors maintenant, pour en revenir au format, ouais. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, j'avais rien organisé du tout. À la base, je m'étais dit, je vais répondre à des questions. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien parler d'Ératosthène. Mais je vais pas juste demander comment est-ce qu'on peut mesurer la circonférence de la Terre, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Moi, je veux raconter sa façon à lui de le faire. Donc je dis, bon, je vais raconter la vie d'Ératosthène. Alors au début, c'était pas vraiment sa vie, c'était juste cette question-là. Et puis c'est comme ça que sont nées les preuves par vieux. Je me suis dit, bon, ça, il faut que ce soit un format à part, parce que je réponds pas juste à une question. Ensuite, je me suis dit, merde, maintenant, mes émissions, elles commencent à faire 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, etc. Ce serait bien que j'ai un format plus court. Alors c'est pour deux raisons. Il y a une raison qui est, on va dire, une raison qui est purement, même si j'aime pas ce mot-là, qui est purement... j'adore cette photo. Alors elle est dingue cette photo. Alors je précise, voilà, c'est parce que là je suis en train de voir en live une photo d'Antoine Daniel avec la chemise du joueur du grenier dans mon studio. Et pour la petite histoire, quand il avait balancé cette photo sur Twitter, il avait mis en commentaire « cette photo n'a aucun sens ». Il m'avait absolument pas tagué ni rien. J'avais pris 1000 abonnés dans l'heure. Je vois. Là, c'est la puissance d'Antoine Daniel. Mais donc voilà, à un moment donné, je m'étais dit, il faudrait que je fasse un programme plus court déjà, parce qu'il y avait des abonnés qui me disaient, j'aimerais bien partager tes vidéos, mais ça sert à rien que je partage des vidéos de 35 minutes. Je suis désolé, j'ai envie de partager ta vidéo sur la relativité, sur machin, mais la flèche du temps, les gens, ils n'iront pas regarder, quoi. Et c'est marrant parce que c'est des gens qui ont regardé tes vidéos, mais en entier, mais qui te considèrent que c'est trop long pour le partager. Bah, ce qui se passe, alors je pense pas qu'ils considèrent que c'est trop long pour le partager. Je veux pas parler en leur nom, mais je pense qu'ils considèrent que leurs amis, ça les intéresse pas, en fait. D'accord. Et donc du coup ils se disaient, est-ce que t'as pas quelque chose de plus court, de plus accessible, au moins pour rentrer dans la chaîne. Et je me suis dit, dans l'absolu, ce serait pas débile d'avoir aussi quelque chose qui soit plus accessible. Et c'est comme ça que sont nés les quickies. D'accord. Avec les quickies qui ont cette particularité que, même si ça peut changer avec le temps, ça peut évoluer, parce que moi je fige strictement rien. Le quickie, à la base, l'idée, c'est vraiment de faire s'interroger le spectateur sur son sens critique et sur son appréhension qu'il a de ce qu'on peut lui raconter. C'était comme ça, le premier quickie, c'était le lieu le plus dangereux de France. C'était sur vraiment les dangers de confondre corrélation et causalité. Et je sais que ça a beaucoup interpellé les gens. D'ailleurs, il y a eu un très très bon retour sur cette vidéo-là, où les gens au début ils gueulaient en disant « Mais attends, mais ce que tu racontes, ça n'a rien à voir avec le titre, en fait. » Et puis après coup, ils disaient « Ah bah si, finalement, en fait. C'est pile poil le sujet. » Ah d'accord. C'est marrant. Du coup, et les Breaking Ball, du coup, au niveau format ? Un Breaking Ball, c'est un truc tout à fait à part. Ce qui se passe, c'est qu'en décembre, début décembre, j'ai rencontré François Descraques et Slim Beroun. Mm. Donc Slim, qui est le créateur de la série La Théorie des Balls, et qui, avec François Descraques, qui est le créateur du Visiteur du Futur, et donc Slim, avec François Descraques et Raph Descraques, sont les auteurs de la théorie des balls. Et il y a Slim et François qui me disent, écoute, on aime bien ton émission, on aimerait, voilà, nous, ce qu'on a, on a une série qui va sortir, qui s'appelle La théorie des balls, où dans chaque épisode, enfin dans les 5 premiers épisodes en tout cas, il y a un personnage qui s'appelle Mitch, et qui développe une espèce de théorie plus ou moins fumeuse, basée sur la mécanique quantique, pour expliquer les relations entre les gens. Une espèce de PNL de savant fou, quoi. Il suffit d'aller voir pour s'en convaincre que c'est plus ou moins fumeux, quoi. Slim Beroun. Adorable, j'adore ce mec. Et juste ouais, pour préciser au passage, Le Visiteur du Futur, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une des premières web-séries françaises, si je ne dis pas de bêtises, qui a cartonné, quoi. Ouais, qui est successful de dingue. Et que je vous invite à aller voir, c'est très vite vu, parce que aussi successful soit-il, les épisodes sont très courts. Donc, au moins les premières saisons... Et je précise aussi, voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de François Descraques. Voilà. Donc, si vous avez envie de lui hashtaguer HBD, allez-y, quoi. Voilà. Et donc, ils m'ont proposé, ils cherchaient quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Ils avaient envie qu'on bosse ensemble, et ça tombait très bien, parce que moi, j'avais envie de bosser avec eux. Sauf que, bon, ils m'ont dit, voilà, maintenant, la série commence début janvier, donc c'est peut-être un peu chaud, parce qu'effectivement, on était genre autour du 15 décembre, par là. Et je leur dis, mais non, c'est pas de problème. À l'aise. Théorie du oui. Et c'est comme ça qu'on oui mais complètement. Ah, mais complètement là, moi j'étais en mode yes depuis plusieurs mois, je suis en mode yes quoi, dès qu'on me propose un truc. Et donc j'ai dit ouais, mais écoutez, moi ce que je peux faire, c'est faire une espèce de chronique qui irait expliquer les théories sur lesquelles se base Mitch dans la théorie des balls. Voilà. Et puis on a fait ça donc avec Baptiste Poulain, et donc on a fait des émissions. Alors l'idée c'était vraiment que ce soit un programme court, puisque les épisodes de théorie des balls durent 7-8 minutes. L'idée c'est qu'on fasse moins, puisqu'on est censé être un espèce de bonus du truc. Fallait pas que ça fasse 25 minutes de à chaque fois. Et donc pour faire moins, vous vous êtes mis à deux quoi. Voilà. Exactement. Mais moi ça m'a permis de rien aussi de tester autre chose que je connaissais pas, qui était déjà d'écrire, parce que moi les épisodes je les écris pas. J'écris des trames de plans, en fait, j'écris mes bullet points en fait. Et là, comme on était à deux, fallait qu'on dialogue, donc il fallait écrire des scripts quoi. Puis on a tourné avec un autre matos, on a tourné dans un local où il y avait un vrai fond, des vraies lumières, etc. Vous tourniez du coup dans un contexte un peu plus professionnel. Ouais, bah c'est le local je crois que c'est le local du studio où ils tournaient l'émission Plus ou moins geek qui existait à la télé enfin en tout cas où ils produisaient Plus ou moins geek. Je suis pas sûr qu'ils le tournaient là-bas, mais en tout cas ils le produisaient. D'accord. Alors, t'as parlé là des formats un peu longs où t'avais des auditeurs qui t'avaient fait la remarque, enfin des télé, enfin je sais même pas comment, des spectateurs, des internautes qui avaient fait la remarque. Justement, ouais, tes formats font plus de 30 minutes en général, et enfin on entend dire que les vidéos doivent être courtes pour être suivies, max 3 minutes, sinon on les regarde pas. C'est une croyance non vérifiée finalement. Enfin, t'as des chiffres, t'es sûr que les gens les regardent en entier ou En fait, c'est l'histoire des 3 minutes, c'est bien, mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Si le but, c'est de vendre un maximum de publicité avant les vidéos, d'optimiser le nombre, le watch time, la possibilité de partage, tout ça, c'est effectivement les guidelines de YouTube disent, et c'est pas idiot, hein, ça vient d'études qui sont très sérieuses, qu'ils ont fait au niveau du comportement des gens qui utilisent YouTube. C'est par exemple une vidéo qui fait 11 minutes, les gens la partageront beaucoup moins que si elle fait 2 minutes. Moi, si je suis au bureau, admettons, et d'un coup, je prends une pause de 5 minutes, je vais sur Facebook, je vois qu'on m'a partagé une vidéo, je clique. Si elle fait 2 minutes, je la regarde. Si elle fait 22 minutes, je la regarde pas. Ouais. Voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Moi, mon but, c'était pas exactement ça. Alors après, c'est le truc, c'est que moi, j'ai clairement pas choisi la voie facile. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était de dire, voilà, moi, je voudrais qu'il y ait des vidéos en français qui expliquent des choses un peu comme le faisait Fred et Jamy dans C'est pas sorcier, mais pas pour les enfants. C'est-à-dire pas juste et pas en mode télé. C'est-à-dire qui aille creuser le sujet un peu plus loin, qui se contente pas de simplement de dire, bah voilà, et puis là. Et puis c'est monté. Non, non, qui explique pourquoi ça monte et qu'est-ce qui se passe. Un peu comme on peut trouver aujourd'hui en anglais depuis quelques années, avec un Vsauce, avec un Veritasium, Minute Physique et compagnie. Mais oui, effectivement, le format court, c'était un pari qui était risqué. Le format long, c'était un pari qui était risqué. Et le fait est que aujourd'hui, moi, je suis très content de la façon dont ça se passe, parce que je vois que quand je fais des vidéos qui font 12 ou 14 minutes, j'ai beaucoup de commentaires en disant. T'aurais pu faire plus long, franchement, il y avait plus de choses à dire. Moi, Turing, on m'a dit, pourquoi t'as fait que 13 minutes ? Turing, ouais. On m'a dit, ouais, t'aurais dû faire une demi-heure là-dessus pour parler de la biologie, pour parler de... Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Je vois pas okay, Bruce est en train de regarder une image où il y a un montage entre Aristote et lui. Je sais pas qui l'a envoyé, mais on va pas être copains. Du coup, je sais plus. Ouais, du coup, je sais plus. Tu disais que t'étais content de comment ça se passait, que beaucoup de gens te demandaient que ce soit plus long. Ouais. Enfin, c'est là où j'étais étonné que les gens te demandent du plus court, parce que nous, on fait du plus long. Enfin, de toute façon, en audio, classiquement, c'est plus long. Et on a beaucoup de gens qui nous demandent encore plus long. Alors, quand elles font 2 heures, 3 heures, là, non. Mais quand elles font qu'une heure, 1 heure et demie, ils nous demandent plus long, quoi. Ouais, et puis ce qui se passe aussi après, c'est que plus le temps passe, d'abord, plus les gens sont habitués. Sur moi, il faut quand même savoir, c'est à la base, par exemple, les quickies, c'était censé être le format court. Je m'étais donné ça comme... Le quickie, c'était censé être un format de 4-5 minutes. Bon, aujourd'hui, un quickie de moins de 12 minutes, je crois que ça n'existe pas. Non, mais c'est à chaque fois, je suis complètement débordé par ces trucs-là. Et justement, là, je suis content avec Breaking Balls. J'ai pu me prouver que j'étais capable de me contenir à un format. Voilà. Ouais, les gens sur Turing, ils me disaient une demi-heure, il fallait plus. Et quand je regarde le watch time, donc quand je regarde dans les analytics de Google, enfin de YouTube, enfin oui, c'est les analytics Google, puisque YouTube, c'est Google, de comment les gens regardent, globalement, les gens regardent, ouais, les gens, on va dire, à 75-80%, ils regardent en entier. Enfin, en entier, jusqu'à la fin du générique, on va dire le post-roll, là où ils ont la possibilité de choisir une autre vidéo, tout ça. Mais à ce moment-là, il ne se passe plus rien dans la vidéo. Donc les gens regardent. T'as l'information s'ils regardent plusieurs fois ? Alors, j'ai pas l'information de si une personne donnée regarde plusieurs fois. Mais par exemple, je sais que quand je mets une image subliminale, ouais, ça, qui n'est pas vraiment une image subliminale, ils vont mettre pause 50 fois pour l'avoir. Mais je vois que le watch time à cet instant-là peut être de 140%. D'accord. Voilà, donc 140%, ça veut dire qu'il n'y a pas eu plus d'utilisateurs, mais qu'ils ont rembobiné, qu'ils ont remis. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, quand vous avez un texte qui apparaît sur une image, vous avez la possibilité dans le player YouTube, dans les paramètres, de ralentir... la vitesse de défilement des images. Donc ça vous fera déjà gagner pas mal de temps, parce que je vois des fois il y en a qui galèrent, qui disent j'ai fait pendant une demi-heure mais je l'ai eu. Et voilà, on peut ralentir le truc. Bah c'est bien, ils essaient. Non, je demandais ça parce que nous on s'est rendu compte que sur les épisodes en particulier les plus compliqués, et toi t'as abordé la relativité générale, des choses comme ça, on a des auditeurs qui ont écouté plusieurs fois l'épisode. Et c'est pour ça que je me demandais si t'avais aussi ce genre de comportement. Ouais, moi il y a des gens qui me disent bah il y a plusieurs comportements. Il y a des gens qui mais c'est tout le monde est pareil. Genre moi par exemple, moi tout à l'heure j'avais un quart d'heure à tuer. Je me suis maté un vieil épisode de Jean du Grenier que j'avais déjà vu 15 fois. Et puis voilà, parce que je sais que cet épisode-là m'avait plu, qu'il y avait un truc sympa. Ouais, qu'il y avait... bien sûr. Et donc il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui se mettent les playlists en boucle. Puis il y a des gens quand ça fait parce que là c'est vrai que ces derniers temps il y a eu un épisode quasiment tous les 3 jours qui sortait entre les collabs et machin. Mais normalement, c'est toutes les 2 semaines. Donc, il y a des gens, au bout de 10 jours, ils commencent à trouver le temps long, donc ils se réécoutent des anciens. Ok. Bon, on en a parlé un tout petit peu, mais du coup, t'as lancé cette chaîne parce que tu ne trouvais pas ton bonheur dans l'offre existante actuelle, c'est ça ? C'est ça. Alors, sachant que j'avais mal cherché, parce qu'il existait quand même déjà des choses à ce moment-là. C'est-à-dire quand je me suis lancé, j'avais le sentiment qu'il n'existait rien, mais il existait déjà des choses. À l'époque, il existait déjà, depuis quelques mois, Axolot, qui même s'il ne fait pas de la science à proprement parler, et sur un sujet qu'on va dire, qu'avec moi, on est sur des sujets assez connexes, qui sont vraiment des sujets culturels, éducatifs. Maintenant, en termes de science, il y avait déjà Experiment Boy, qui avait déjà quelques années, enfin, il avait déjà de la bouteille, et Dr. Nozman aussi, sur un autre registre. Mm-hmm. Donc voilà, donc il y avait déjà des choses. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'est d'un coup, moi qui connaissais vraiment que Joueur du Grenier, sur YouTube. Je savais qu'il y avait des vidéos, je regardais des vidéos, je regardais pas des chaînes. Oui. La seule chaîne que je connaissais, c'était Joueur du Grenier. Mm-hmm. Et donc du coup... T'étais pas abonné à une chaîne, tu regardais... J'étais pas abonné, j'avais pas de connexion, j'avais pas de compte Gmail ni rien. Et ça, je parle de ça, c'était été 2013, quoi. T'étais même pas connecté, c'était, tu découvrais ce monde-là Non, j'étais connecté, j'avais pas de compte connecté YouTube. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est-à-dire, j'étais okay. En anonyme sur YouTube. Je vois très bien. Et jusqu'à que Google décide que non, tu n'étais pas anonyme. Non, puis j'avais pas de compte Gmail. Oui, d'accord. Et donc, en été 2013, je découvre coup sur coup Vsauce, Veritasium, Smarter Everyday, Minute Physique et CGP Grey. Boum. Donc là, c'est bon parce que c'est-à-dire que d'un coup, je me suis retrouvé à avoir peut-être l'équivalent de 400 vidéos à regarder. De 400 vidéos de retard. Et avec mon frère, on a passé 2 nuits blanches sur et une bonne partie de la journée entre les deux. Ah oui. Ah oui, on s'est... Et lui, en plus, il les avait déjà toutes vues. Et la première vidéo qu'il m'a montré, je m'en rappellerai toujours, c'est génial. La première vidéo qu'il m'a montré, c'est la vidéo de Smarter Everyday où il explique qu'en fait les poulets ont une tête gyroscopique. C'est-à-dire que quand on prend un poulet par le corps et qu'on le déplace un petit peu, la tête dans l'espace reste exactement au même endroit. Donc il y a le cou qui fait, c'est une steadicam en fait. Il y a le cou qui fait les déplacements nécessaires pour pouvoir compenser le déplacement du corps et la tête reste au même endroit. Et je l'avais halluciné, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette connerie. Dans un épisode après, il lui a quand même branché une caméra sur la tête pour essayer de l'utiliser comme steadicam. C'était assez... Enfin, ça marchait pas du tout, mais voilà. C'était pas une mauvaise idée. L'idée était là. D'accord, amusant. Et pourquoi le format vidéo du coup ? Parce que t'aurais pu faire de l'audio, t'aurais pu faire un blog, t'aurais pu faire, j'en sais rien, plein d'autres choses. T'aurais pu te lancer dans des associations de diffusion scientifique, dans des lieux de science ou d'autres choses. Alors, l'écrit, je pense que ça ne serait pas passé. Mais ça, c'est rétrospectivement, je pense que ce serait passé quand même. En tout cas, l'idée que je m'en faisais, c'était, j'arriverais pas à expliquer les choses par écrit, parce que moi, j'aime bien expliquer les choses comme je parle. Ouais. Si moi, j'aime bien à un moment donné dire voilà, bon, ce truc-là, cette théorie, bon, bah, c'était de la merde. Et le dire comme ça, dire c'était de la merde. Et pas dire oui, en fait, on a pu infirmer cette théorie par le fait qu'on a apporté des, contre-exemples. Voilà. Mais c'est pareil, au début, moi, je pensais pas du tout à mettre des sources. Ouais. Au début, les gens gueulaient, ils me disaient mais c'est quoi tes sources ? Je dis mais j'ai pas besoin de sources. Je vous dis pourquoi la Lune tombe pas sur la Terre. Je veux dire, c'est bon, mettez dans Google pourquoi la Lune tombe pas sur la Terre, vous trouverez. Je veux dire, tout le monde est d'accord, j'ai pas besoin de sources. Ouais, enfin, ils peuvent mettre sur Google pourquoi la Terre est plate, ils trouveront aussi. Et c'est exact, et rétro, mais ouais, mais moi j'y pensais pas du tout. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre des sources. Et ce que j'essaye de faire maintenant, c'est je mets un minimum de sources pour pouvoir valider ce que je raconte et un maximum de sources pour aller plus loin dans la réflexion ou plus loin dans les expériences, dans les sujets. Et ça, dans les notes d'émission, du coup. Enfin, dans les notes de la chaîne, de la note de la vidéo. Comment ? Tu mets ça dans les notes de la vidéo. Oui, dans la description, oui. Ok. Dans le doubly-doo, comme ils disent les Américains. Il faudrait qu'on fasse un mot comme ça. Bon, et du coup, là, depuis que tu as lancé ta chaîne, maintenant, c'est créé un portail vidéo-science, donc quelque chose qui est hébergé par le Café des Sciences et qui est initié par le fameux Pierre Kerner, grâce à qui t'es là ce soir, qui a créé un portail vidéo-science qui agrège plein de chaînes YouTube de science, donc, dont tu fais partie et dont quasiment tous les Français, dont tu as parlé, Axolot, Experimenty Boy, font partie. C'est un peu ça que le genre de communauté dont tu avais envie quand tu t'es lancé, en fait ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, alors non, plus précisément, je vais répondre autrement, je vais dire oui, mais pas que. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une communauté de gens qui aiment la science, il y en a toujours eu. Moi, ce que je vise, c'est une communauté de gens qui aiment la science et qui partagent avec des gens qui ne savent pas qu'ils aiment la science ou des gens qui pensent qu'ils détestent la science mais qui sont très curieux et qui aimeraient bien avoir des réponses à des questions. Mmh. Moi, c'est vraiment ça. Mais pour le coup, je trouve que Vidéoscience fait ça très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est que de fait, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des gens qui sachent un peu de quoi ils parlent, même si, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être expert dans quelques domaines. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune légitimité universitaire à faire ce que je fais. Ça, on va en parler tout de suite, là, j'allais te demander. Mais j'ai aucune légitimité universitaire, et d'ailleurs, ça m'arrive de dire des conneries, et quand je dis une connerie, il ne faut pas 5 minutes après la diffusion de la vidéo pour que quelqu'un me dise « Non, mais attends, t'as dit une énorme connerie, là ». Ça, c'est les joies d'Internet ou... Mais c'est très bien, moi j'adore ça. La plus grosse connerie que j'ai dite, c'était sur la vidéo « Pourquoi le soleil nous réchauffe ?» Où à un moment donné, je me suis enflammé, je suis parti dans un truc comme ça, et je dis « Ouais, avec l'électron qui tourne autour du noyau de l'atome à la vitesse de la lumière. » Et là, je me suis fait allumer. Mais c'est logique, voilà. Non, c'est ça qui est bien, c'est aussi ça qui est riche. Mais donc voilà, donc moi, pour l'info, juste pour ceux qui ne savent pas, un électron, ça tourne autour du noyau d'un atome à peu près 1% de la vitesse de la lumière. Mais même, est-ce que c'est pas un peu abusif de dire que ça tourne autour ? Ouais, ok. Non, d'accord. Disons que ça oscille, ça vibre, ça fait quelque chose. Ça fait un truc autour. Ça fait quelque chose autour d'un truc qu'on pourrait appeler un noyau. Voilà. Même si, voilà. Mais en tout cas, cette vitesse-là, ça représenterait à peu près 1% de la vitesse de la lumière. Voilà. Et donc, mais voilà, ça c'est la plus grosse connerie que j'ai sortie, mais j'en ai sorti d'autres, mais des moins grands. T'as pas encore un droit de réponse d'Aristote ? Non. D'accord, tout va bien. Mais ceci dit, on me demande. Moi, j'ai halluciné de voir qu'il y a des vrais fan clubs d'Aristote qui me tombent dessus des fois. Et moi, je me suis expliqué plusieurs fois là-dessus. J'ai dit Aristote, je le respecte énormément en tant que philosophe. En tant que scientifique, on a quelques désaccords, mais il y a aussi quelques points que je lui laisse. Et notamment, c'est hallucinant de voir que chaque fois que je me pose une question dans mes recherches, je tombe sur Aristote. Le mec s'est posé toutes les questions possibles. C'est ingérable. Ouais. Il s'est vraiment posé les bonnes questions. Après, ouais, bon, il n'avait pas forcément... Mais en même temps, il y a eu suffisamment de siècles pour répondre aux questions pour qu'il ait le droit d'avoir des mauvaises idées, quoi. Bah justement, on t'en parlait tout de suite, là. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ton background ? Si j'ai bien compris, la journée, tu es informaticien, c'est ça ? Alors, ouais, sauf qu'il n'y a plus vraiment de notion de journée, de nuit, de machin. Disons que je partage mon temps entre l'architecture logicielle. Donc, j'ai la chance d'avoir... Enfin, j'ai la chance. Je vais expliquer pourquoi c'est une chance. Mais voilà, donc j'ai ma propre entreprise. D'accord. Donc j'ai la chance de pouvoir disposer de mon temps comme je veux. C'est ça la chance que j'ai. D'accord. T'as une boîte de service en fait dans laquelle tu travailles informatique. Et sauf que mais le fait d'avoir sa propre boîte, c'est compliqué. Voilà, on va dire. Mais donc du coup, je peux organiser mon temps comme je veux. En gros, mes clients sont cool avec moi dès lors que je fais le boulot en temps et en heure. D'accord. Voilà. Donc du coup, je m'arrange. Je m'arrange comme je peux. Et du coup, au niveau background, tu as fait une école d'informatique après. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, j'ai fait Mathsup Mathsp parce que je souhaitais devenir pilote de ligne, ce qui n'est pas possible parce que je suis myope. Ah. Je ne suis pas très myope, je suis un tout petit peu myope, mais je suis myope. Moi, en plein ciel, lire une plaque d'immatriculation qui serait à 500 mètres, je suis incapable. Ouais. Voilà. Mais bon. Et donc, du coup, je n'ai pas pu. Et en fait, comme j'avais bossé que pour préparer l'ENAC, je n'avais absolument pas bossé pour préparer les autres écoles d'ingé. Donc, j'y suis allé les mains dans les poches, ce qui est une énorme connerie quand on fait une prépa Mathsup Mathsp. Il ne faut pas se pointer les mains dans les poches à un examen parce que c'est un concours. Il y en a d'autres à côté de vous. Il y en a d'autres qui ont envie d'avoir des choses. Voilà. Et eux, voilà, s'ils passent devant, c'est fini, c'est mort. Et donc, du coup, après, j'ai fait une équivalence en fac. pour entrer en licence mathématiques informatiques. D'accord. Et donc, j'ai fait une licence de maths, une licence d'informatique. Comme les examens tombaient en même temps, j'ai passé la licence d'informatique. Et puis, l'année d'après, j'ai passé maîtrise d'informatique et licence de maths. Mais c'est-à-dire que après la maths P, j'ai pas fait de physique, j'ai pas fait de chimie, j'ai pas fait de... Mais t'as quand même continué à faire des maths jusqu'à un bac plus 5, quoi. Ok, donc du coup, t'as quand même continué à faire des maths pendant un certain moment et puis un peu d'informatique, mais pas le reste. Finalement, tu parles très peu de maths encore pour l'instant. Enfin, t'en parles vaguement, mais tu parles surtout de physique dans tes vidéos. Bah, ce qui se passe, c'est que les maths, la difficulté que je vais avoir avec les maths, c'est que les maths, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que beaucoup de gens détestent. Et en général, beaucoup de gens détestent parce qu'ils ne savent pas qu'en vrai, ils aiment. Et à côté de ça, on a effectivement Micmat qui fait ça très bien. Qui fait ça vraiment très très bien. Donc moi pour l'instant je veux me soucier au minimum des maths, ce que je veux aussi. Et moi une des questions, un des thèmes justement d'y penser, c'est de dire on peut expliquer la relativité, on peut expliquer la mécanique quantique sans se préoccuper des équations. Ouais. Donc c'est toute la difficulté. Donc j'essaye vraiment d'utiliser le minimum possible les maths pour dire on n'a pas besoin de maths. Cela dit, on peut expliquer les maths sans équations aussi, hein. Enfin je veux dire les équations dans les maths c'est une toute petite partie, quoi. Oui. Je suis d'accord, mais c'est vrai que voilà, moi je crois que sur l'ensemble de mes épisodes, je crois que les maths ça s'est limité juste à parler des angles alternes internes dans la vidéo sur Eratosthènes. Je crois que c'est à peu près tout. Bon après quand tu parles d'espace courbe et compagnie dans la relativité, on c'est là où on fait des ponts un peu. Oui. Ouais, t'as introduit les tenseurs aussi dans l'épisode sur la relativité. Ouais, mais en vrai j'en parle très peu. Je dis voilà, il y a un truc, c'est un tenseur. Pour faire très simple, on va dire que c'est une généralisation de composition de vecteurs. Bref, c'est très compliqué, mais on s'en fout. C'est ça. Au passage, on dit bonjour à Johan qui vient d'arriver. Donc Johan depuis Baltimore. Bonjour. C'est ça, bravo. Bonsoir. On se demandait, Baltimore, c'est Maryland? Oui, exactement. Voilà, je savais. Voilà, parce que j'ai bien sûr aucune notion de géographie. Du coup, là où je voulais en venir sur l'histoire des maths aussi, c'était donc d'où vient toute cette culture scientifique là ? Alors, il y a toute une partie qui vient du fait que je suis curieux depuis une paire d'années quand même. Et puis il y a toute une partie où, je vais pas dire que c'est du flan parce que c'est pas du flan, mais il y a des fois, moi ça m'arrive de dire j'aimerais bien répondre à telle question dans un épisode y penser, sauf que la réponse je l'ai pas. Bah donc du coup je cherche. Ça c'est depuis que t'as créé la chaîne. Ouais, connaît ce biais ici, ouais. mais ce réflexe, je l'ai depuis un certain nombre d'années. D'accord. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me rappelle d'une époque où je devais faire ça, il n'y avait pas Internet, quoi. Voilà, je dis ça... Je dis rien, voilà. Il n'y a pas Google. Aujourd'hui c'est facile, hein. Aujourd'hui quand on cherche une réponse, c'est vraiment facile. Le problème maintenant, aujourd'hui, c'est de déterminer si la réponse qu'on trouve est valide. Et du coup, justement, tu te sers plutôt de quoi ? Tu te sers plutôt d'Internet uniquement ou de livres aussi ou d'un peu de tout, de magazines ? Alors, aujourd'hui, bon, j'ai pas mal de bouquins. Ouais. J'ai pas mal aussi de documentaires, de vidéos et de choses dont je me sers vraiment comme référence. Après, il y a beaucoup d'Internet aussi. Et ça peut être de la publication, mais vraiment Internet comme un moyen. Donc, il y a de la publication sur Internet, il y a de la vidéo sur Internet. Il y a toutes ces choses-là, quoi. Donc, Ouais, d'accord. Alors, moi, j'irais même plus loin. Là. Je me suis vraiment posé des questions en particulier sur l'épisode de la relativité. On a l'impression, quand tu expliques certains trucs, que tu as même été faire des calculs pour voir comment ça fonctionnait. Alors, est-ce que c'est qu'une impression ou pas ? Ou est-ce que le week-end, des fois, pour te faire un petit plaisir, tu te fais un tenseur relativiste juste pour voir vraiment comment ça fonctionne ? Alors, je fais pas ça de mes week-ends. Non, ce qui est vrai, c'est que quand j'ai préparé, pour cet exemple justement de la relativité, je sais que les tenseurs, moi j'en avais fait du coup effectivement en prépa, mais à l'époque, c'était vraiment juste, c'était un outil mathématique que j'utilisais. Je me posais pas du tout la question de savoir ce que c'était, à quoi ça servait. Ouais. Donc, j'ai dû prendre un petit peu de temps à essayer de réfléchir, à voir notamment plein de vidéos. Parce que là, pour le coup, il y avait beaucoup de vidéos en anglais qui expliquent très bien ce que sont les tenseurs. D'accord. Mais en mode plus court que... Oui, mais en vulgarisation, oui, en mode effectivement court au sens des conférences, quoi, au sens court universitaire. Mais c'est-à-dire que ce sont des vidéos qui sont longues et il faut prendre le temps de les regarder depuis le début parce qu'ils partent de la base. C'est très souvent avec ce genre de vidéos, elles durent 2 heures. Au début, il dit alors vous imaginez que vous avez un point, ça c'est ensuite si vous tirez, ça fait un trait. Donc on se dit mais c'est bon là, on va avancer et puis on avance de 5 minutes et puis d'un coup on est dans des trucs qui sont incompréhensibles. Donc il faut vraiment prendre le temps de le regarder dans l'ordre parce que c'est très bien fait et voilà. Et ça donne. Ça permet pas de comprendre ce qu'est un tenseur, comme je prétends pas expliquer vraiment ce qu'est un tenseur, mais ça permet d'avoir une appréhension de ce que c'est. D'accord. Ah voilà. Oui, donc ça reste quand même de la vulgarisation. C'est pas des choses qui te permettent après d'aller, toi, te lancer dans faire des calculs relativistes, etc. Non, c'est-à-dire dans ces cours, ils donnent des outils mathématiques, mais à un moment donné, et c'est ça la difficulté. Moi, c'est ça que je vise. Moi, c'est mon objectif, il est là. Et comme c'est absolument inatteignable, je suis très content, parce que du coup, ça me laisse de la marge de progression. C'est ça. C'est que à un moment donné, on ne peut pas couper au fait de passer justement par des outils mathématiques et par des équations, etc., si on veut appliquer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a expliqué ce que c'est que la gravitation. Ok, si on veut savoir où se trouvera la Lune dans 4 jours, à quelle vitesse elle se déplace, tout ça, il faut des équations. Et ce qui se passe, c'est que dans un cours, il faut passer par ces équations. Oui. Et il y a un moment donné, il y a une bascule qui se fait entre ce qu'on comprend et un moment donné à partir duquel on ne cherche plus à comprendre. On cherche simplement à appliquer les équations, appliquer les règles, les calculs, etc. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de repousser au maximum cette limite de ce qu'on peut comprendre. Voilà, c'est de repousser. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure quand je disais c'est pas sorcier pour les enfants. C'est faux parce que c'est pas que pour les enfants. Je veux dire, je connais un nombre d'adultes qui regardent ce truc. Mais moi j'ai le coffret DVD en camion, ça, j'ai la remorque et tout. Tu veux que je te brise tes rêves sur le camion de C'est pas sorcier ou pas? C'est un studio, c'est ça, c'est pas un vrai camion. Il n'existe pas. Celui que tu vois dans le générique, il n'existe pas. Mais en image de synthèse? Non, il y en, en fait, a ils l'ont tourné une fois et ils l'ont fait arriver sur un fond bleu pour le mettre dans toutes les émissions. Pour rater, il arrivait sur le lieu. Ouais. Voilà, c'était juste pour casser le rêve à nos 300 personnes sur la chat. Moi, ça m'a déprimé en apprenant. Non, mais moi, je parle du coffret. Ils avaient fait un coffret DVD, donc en forme du camion, avec la remorque et tout. Moi, je les ai, je les regarde et j'aime. Mais c'est-à-dire qu'ils ne grattent pas le fond du sujet. Oui. Moi, j'essaye d'aller plus loin sur certains sujets, avec plus ou moins de succès. Et je sais qu'il y en a d'autres, quand on prend le temps de suivre les conférences d'Étienne Klein, là, on va encore plus loin sur les sujets et on reste dans la compréhension de ce qu'il faut faire. Moi c'est ça que je vais essayer. Voilà, c'est essayer d'être vraiment dans la compréhension de ce qu'on fait. D'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'aspect technique est une étape dans la compréhension, mais je ne sais pas forcément si c'est pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire que quand on en arrive à des grands spécialistes d'un sujet qui parlent, les équations ne sont plus forcément le plus adapté pour parler de leur sujet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on dépasse la technique, quoi, quand on est complètement dans la recherche très long terme. Je ne sais pas si je suis clair. Bah, je suis d'accord, je suis pas d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a les vraies grosses pointures de certains sujets vraiment qui sont très précis. Clairement, ils voient des choses qu'on voit pas. Donc pour eux, c'est naturel. C'est comme expliquer le chemin à quelqu'un pour lui dire ouais, c'est la deuxième à gauche puis au feu à droite. Quoi. Pour eux, c'est aussi con que ça. Mais moi, l'expérience par exemple que j'ai eue à la fac, c'est qu'il y avait des profs qui pas tous bien sûr, parce que la plupart étaient ils étaient tous compétents, mais genre la plupart prenaient vraiment le temps de bien expliquer les choses. Mais il y en a, ils avaient l'impression que ce qu'ils nous disaient était clair. Ben, je me rappelle une fois, c'était en algèbre, je sais plus, on était sur des corps, de trucs vectoriels, de corps abéliens, d'anneaux, de je sais pas quoi. Enfin, ces mots, mais par contre, qui sont des très jolis mots. Mais... Et qui prennent sens quand on prend le temps de vraiment d'y penser. Mais et à un moment donné, ils nous parlent d'un truc, puis il y a un type qui lève la main dans l'amphi qui fait excusez-moi, monsieur, vous pouvez nous donner un exemple parce que là, c'est rude c'est quand costaud. Même. Et il réfléchit, il fait vous voyez la table devant moi? Il dit ouais, voilà, c'est un exemple. Et pour lui, c'était très clair. Merci. Ouais, Merci, monsieur. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est juste. Enfin, j'ai regardé deux trois de tes vidéos. Par exemple, quand tu parles de l'entropie, ouais. C'est un exemple qui me parle parce que on a réussi à mettre en équation une notion qu'on voulait avoir. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si tu vas plus loin avec l'équation. Tu fais quelque chose de plus précis, ça te permet de tester ton truc, cette notion dans différentes situations, etc. Mais finalement, ce qui est essentiel, c'était aussi de voir que cette notion, on en avait besoin et ce qu'elle représente exactement. Tu vois, il y a un travail intellectuel pur qui n'est pas purement technique. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais après, ce qui se passe, c'est c'est peut-être que moi. Je sais que c'est pas que moi, mais c'est peut-être assez particulier. C'est que moi, je vois vraiment de la beauté dans ces équations. Moi, j'adore ça. Même celles que je comprends pas. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai vu une équation de tenseur énergie machin là, j'ai vu ça, je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais je trouvais ça beau. Mais effectivement, je pense que a priori, si on n'a pas besoin de sortir une réponse, c'est-à-dire que si on nous demande pas de dire la réponse c'est 24 ou 16,2, on devrait pouvoir expliquer absolument tout et n'importe quoi sans avoir besoin d'équations. Et ça serait beau. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis c'est un objectif qui est absolument inatteignable. Donc je suis très content parce que ça nous laisse vraiment énormément de marge. Une bonne marge. Bon, pour en finir avec cette histoire de genèse, et du coup, c'était quoi le déclencheur qui fait que là, à un moment, t'as lancé la chaîne, quoi. Alors c'était parce que je suis un pur français franchouillard et que quand j'ai vu. Donc, c'était pour râler donc. En cherchant pas bien, donc sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait pas de chaîne scientifique qui faisait du vissos en français. Je me suis dit putain, et en plus j'ai anticipé, je vais regarder si en français, je suis sûr, con comme on n'a pas fait, hein. Je suis sûr qu'il y a un mec qui a fait ça en WAP, donc je râlais, je gueulais, et au final, ça c'est un screenshot, je fais une parenthèse, là c'est un screenshot d'un jeu qui est sorti apparemment sur iPad ou sur mobile, je ne sais plus, qui est un jeu d'enquête, où dedans il y a un personnage qui a été inspiré par moi en fait, donc je suis assez fier de ce truc là. Donc, ouais, je termine. Et donc, c'était pour aller. Et il y a mon. Et j'en discutais avec mon frère. Il me dit, bon, bah, ok, bah, sinon, tu peux aussi te sortir les doigts. Et t'as aussi le droit de mettre une caméra et d'y aller, quoi. Hein ? Allez, on se bouge. Au lieu de râler. Hein ? Et puis, je dis, bah, c'est pas con, en fait. D'accord. Bah, comme quoi, râler, ça sert. Hein. La bise à Alan, là, qui est pas là ce soir, mais ça lui parlera. Bon, du coup, on va aborder maintenant les coulisses d'Y Penser. Bon, tu nous as déjà dit pas mal de choses. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, la préparation d'un épisode d'Y Penser ? Genre le prochain, là. Alors. Le prochain, il sort jeudi, il est déjà tourné, il est en plein montage, c'est le dernier Breaking Balls. D'accord. Voilà, mais le prochain d'après, c'est celui qui sortira vendredi prochain. Donc là, donc c'est vendredi, on est mardi, donc c'est dans 12 jours. 10 jours. Dans 10 jours. Je suis complètement décalqué. Donc il sortira dans 10 jours. La chance que j'ai, parce que c'est assez rare, c'est que j'ai déjà le sujet. Ah, 10 jours avant, d'habitude, des fois, t'as pas le sujet. Alors, j'ai toujours plus ou moins le sujet, mais j'hésite toujours entre 3-4 sujets. D'accord. C'est-à-dire que... Tu veux dire entre les 50 sujets que t'as promis et le sujet que t'as envie de faire, en fait, plus que les autres. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sujets qui ont des dépendances. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont je peux pas parler avant d'avoir parlé d'autres sujets, avant d'avoir parlé d'autres sujets. Il y a toujours déjà cette première question, c'est est-ce que je fais un quickie, la preuve par vieux, un classique, qu'est-ce que je fais ? Donc là, ça va être un quickie, vraisemblablement. C'est-à-dire, je décide en fait si c'est un quickie en fonction de ce que j'arrive à raconter dessus derrière. Si j'en fais 35 minutes, c'est pas un quickie, quoi. Voilà, point. Donc j'ai déjà le sujet. Là, ça fait donc... c'est un sujet sur lequel je m'interroge depuis un certain temps. Donc j'ai déjà fait pas mal de recherches dessus. Ce qui fait que je pense que j'ai déjà 90 ou 95% de ce que je vais en dire. D'accord. Mais t'as rien écrit encore. Mais j'écrirai pas grand-chose. Après... j'en suis maintenant à l'étape où je me pose la question de comment je vais en parler. C'est-à-dire que moi, la première question que je me pose sur un sujet, c'est je me dis quelle est la difficulté de compréhension et quelle analogie je peux trouver pour expliquer. Ou bien par quel biais est-ce que je peux dire ce truc-là qui semble être un truc très compliqué ou qui semble être un truc super abstrait, en fait, on l'utilise tous les jours parce que. Et j'ai dit parce que alors que j'aurais dû dire parce que. Voilà, mais ça arrive. Ouais, mais il n'y aura pas de deuxième prise. Et donc voilà, j'en suis là. À partir de là, je dirais que l'écriture, à proprement parler, c'est-à-dire vraiment écrire le plan détaillé de l'épisode, ça va me prendre entre 1 heure à 4 heures si vraiment il y a des vraies complexités et que je me dis il faudrait peut-être que je sorte ce passage-là pour le mettre dans un autre épisode. C'est entre 1 à 4 heures pour écrire vraiment le rundown. De l'épisode. C'est 1 à 4 heures hors recherche, et après, tu as du temps de recherche éventuellement. Voilà, c'est en amont que j'ai du temps de recherche. Voilà, en amont, j'ai du temps de recherche. Une fois que tout ça s'éclaire dans ma tête, je sais que, ok, je vais rentrer l'introduction va se faire par cet angle-là, je vais dérouler, sachant que maintenant, de plus en plus, j'essaye de faire en sorte de partir d'une petite question, et d'élargir le sujet au maximum. Commencer par dire, mais est-ce que vous savez pourquoi, je dis n'importe quoi, un truc, quand on plie les doigts, il se passe ça, et en fait, bah, c'est typiquement ce que j'avais fait sur le bâillement. C'est-à-dire pourquoi le bâillement, c'est contagieux, mais en fait, si le bâillement n'était pas contagieux, en quelque sorte, ça voudrait dire que les civilisations n'auraient pas pu naître. Bon, là, j'ai fait une vraie confusion entre corrélation et causalité. Mais voilà, l'idée, c'est que je pars du bâillement et qu'à la fin, je termine sur le fait que sans les neurones miroirs... Tu choisis en gros le chemin que tu vas parcourir, quoi. C'est ça. Et j'essaye vraiment de partir de la petite histoire qui va raconter la grande histoire. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, je me structure. Au début, c'était n'importe quoi. Au début, je lançais la caméra et puis je racontais ma vie. Hein. Le tout premier épisode, quand je pense au premier épisode, j'ai quand même fait 4 minutes de micro-trottoir. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'il y a les mecs sur YouTube, ils disent qu'il faut faire une vidéo de 3 minutes, 3 minutes 30. J'ai 4 minutes de micro-trottoir, j'avais même pas introduit le sujet. Donc voilà, c'est-à-dire que vraiment, j'étais en freestyle. Mais c'est ça le web aussi. Bah ouais, complètement. Et donc, à partir de là, j'attaque le tournage. Le tournage, en général, est très rapide. Ça veut dire que pour un petit sujet, c'est 40 minutes. Pour un gros sujet, c'est 1h30. Ah d'accord, ouais. Donc 40 minutes, pour genre 20 minutes d'émission, ça veut dire que tu tournes quasiment en 1-1, quoi. Ah, mais ce que je fais, c'est que en fait, je déroule mon texte, je fais tout. Juste quand je me plante, quand je me foire sur un mot, je ne coupe pas, mais je reprends la phrase, parce que je sais qu'après, je couperai au montage. Et voilà, et j'enchaîne absolument tout ce que je veux dire. D'accord. Une fois que c'est tourné... Alors après, en vrai, le tournage, c'est un petit peu plus parce qu'il me faut 20 minutes pour mettre mon setup, pour brancher mes lumières, pour poser ma caméra, tout ça. Mais on s'en fout, ça, c'est vraiment de la cuisine. Ensuite... C'est dans la cuisine, justement, ou pas ? Bah c'est dans mon bureau. Ah, c'est dans ton bureau. C'est dans mon bureau. Donc, mon bureau, c'est un studio, et donc, c'est dans ce studio-là. Ok. Et d'ailleurs, voilà, je vois les gens, ils exhument des trucs de Twitter. Logiquement, il doit y avoir une photo qui a été passée sur Twitter où on voit un panoramique du bureau. Donc, j'étais à une réunion, et puis on voit qu'il y a tout le monde. D'accord. Et donc là, t'as tourné. Là, j'ai tourné. Ce que je fais en général, c'est. Alors, ça dépend à quelle heure je fais ça. Parce que moi, il peut m'arriver de faire ça à 3 heures du matin, par exemple. Les voisins qui se font réveiller par une démonstration sur la relativité. Non, non, c'est la chance ah que oui, j'ai. C'est dans la, le bureau, la chance que pas. J'ai. Non, mais c'est dans un immeuble d'habitation. Mais la chance que j'ai, c'est que c'est assez bien insonorisé. D'accord. Donc, du coup, il y a vraiment. Pour peu que les fenêtres soient bien fermées, il n'y a aucun problème. Après, il n'est pas question non plus que je gueule et que je branche des guitares. Mais t'es pas le joueur du grenier, quoi. Voilà. Mais non, ça m'arrive de gueuler aussi, quand même, dans les vidéos. Et donc, s'il n'est pas tard, ce que je fais, c'est que je dérush immédiatement. D'accord. Alors quand je dis dérusher, bon, de toute façon je dérush immédiatement, mais il y a dérusher et dérusher. Il y a dérusher, c'est le fait de prendre les fichiers vidéo qui sont dans la caméra, de les mettre sur son disque dur. Donc ça, je le fais immédiatement quoi qu'il arrive. Mais s'il n'est pas tard, ce que je fais, c'est que ces fichiers vidéo, je les mets dans Final Cut et je découpe toutes les parties qui sont ratées. Les parties où je sors du cadre parce que je dois rebrancher mon micro, les parties où j'ai loupé un mot, etc. Ce qui fait que j'ai un pré-montage qui n'est pas du tout rythmé, qui ressemble à rien, mais c'est-à-dire que je suis déjà passé d'une vidéo qui faisait 55 minutes à une vidéo qui fait 19 minutes. Et où t'as que l'utile, quoi. Voilà, et à partir de là, je sais que je vais pouvoir couper à l'image près pour avoir le rythme que je veux avoir et commencer à me dire, ok, qu'est-ce que je vais mettre comme illustration, à quel moment, quand est-ce que je vais mettre une animation, quand est-ce que je vais... Voilà, toutes ces choses-là. Et donc la post-production, pour le coup, c'est vraiment la partie la plus longue. Et j'allais dire, je sais pas si c'est de la post-production du tournage là, dans tes vidéos, il y a souvent des moments où tu intercales un moment où tu commentes ce que tu viens de dire, ou alors où tu t'adresses à une autre personne ou quoi. Ça, c'est fait au moment du tournage ou tu le rajoutes après? Non, c'est fait, tout est fait au moment du tournage. D'accord. Donc t'as déjà pré-écrit des sortes de petits trucs comme ça ou... Non, des fois, il y en a qui sont écrits, il y en a qui viennent sur le coup. Je me dis, ça, il faudrait peut-être que je l'explique un peu mieux, ou ça, il faudrait peut-être que j'explique qu'en fait c'était une connerie. Et au début, ce que je faisais, c'est que je parlais à un personnage imaginaire qui était hors champ. Ah, c'était bien à un mur que tu parlais. Oui, c'est moi, je parlais à mon fauteuil qui était vide. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de prendre de la distance. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment des spectateurs qui le prenaient super mal. Ils disaient, ouais, j'ai l'impression que tu te moques de nous. Je dis, mais pas du tout, quoi. C'est juste prendre de la distance par rapport à ce que je dis. Et en vrai, c'est aussi quelque chose où je sais que voilà, ça fait 5 minutes que je parle sans interruption d'un sujet qui est compliqué. Il faut une respiration. Il faut on va essayer de détendre avec une vanne, même si elle est pas drôle, c'est pas grave, ça permet de souffler. Oui, effectivement, oui, j'ai complètement oublié. Oui, il y avait Link the Sun aussi qui était là, bien sûr, en place avant que je commence. Même si Link the Sun ne fait pas spécialement de la science. C'est un peu différent, quoi. Non, mais c'est de la culture. Il fait de la peu, culture et il avait fait quelques émissions qui étaient sur la science. Donc il y avait des choses. Mais ce que je veux dire, toujours est-il que quand j'ai commencé, j'étais pas en mode je sais que Link the Sun existe, mais c'est pas ce que je veux faire, c'est que je ne savais pas qu'il existait. Je connaissais rien, voilà. C'était en mode les Français sont trop cons. Et puis Nozman, c'était en mode je suis incapable de trouver. J'avais cherché science, j'avais rien trouvé sur la page 1. Je m'étais dit bon, ben y a rien, c'est de la merde. Ok. Donc, donc le montage et la post-prod, tu disais c'est le plus long. Ouais, et donc ce que je disais, c'était donc j'avais un. Avant, je parlais à quelqu'un dans un canapé, ouais. Et voilà, et puis ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer tout naturellement vers en fait d'autres personnages. Ce qui maintenant apparaît comme, des fois sur la vidéo, je suis plutôt à gauche dans une teinte qui est, on va dire, assez saturée, ou plutôt à droite dans une teinte qui est presque noir et blanc. Et en fait, voilà, ce sont deux personnages. Alors c'est marrant parce que les gens comprennent ces personnages assez différemment. C'est-à-dire, moi, ces personnages, je les imagine comme étant celui de gauche, quelqu'un qui est assez pompeux, genre qui a très bien compris de quoi il s'agit et qui en a marre qu'on perde des heures à tout expliquer. Qui dit, ah oui, mais bon, ça va, c'est le tenseur énergie, c'est bon, quoi. Et celui qui est complètement à droite de l'écran, donc qui est vraiment en délavé, en noir et blanc, qui lui fait des vannes, qui lui réexplique les choses, qui lui prend le temps. Et donc moi, et j'aime bien être assez partagé entre ces deux visions-là, mais il y en a qui les voient complètement différemment. Et ça continuera d'évoluer. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai acheté un nouvel objectif. Ça va peut-être donner un nouvel angle sur le truc. Je sais pas. Moi, je continue d'expérimenter. Tu continues à t'amuser. Ah ouais, mais complètement. Moi, je pense que la chaîne, si elle existe toujours dans 2 ans, et j'espère qu'elle existera toujours dans 2 ans, je pense qu'elle ressemblera pas beaucoup à ce que c'est aujourd'hui. Et du coup, après la post-prod, ça te prend beaucoup de temps, tu disais ? La post-prod, oui. On va dire sur une. Si je prends par exemple l'épisode Turing. Donc la post-prod, c'est quoi, hein, juste pour déjà commencer? La post-prod, c'est j'ai les fichiers vidéo, j'ai les fichiers audio. Maintenant, il faut que j'en fasse une vidéo complète avec le générique, avec le mixage, l'étalonnage, avec les animations, les incrustations, tout ça. Faut le produit qu'on met sur YouTube. D'accord. Donc on passe du brut à YouTube. Voilà. Et Turing, donc, qui est un assez bon exemple parce que c'est une vidéo qui n'est pas trop longue, sur laquelle il y a un peu d'animation, mais pas trop. Bah, plus que d'habitude, quand même. Ouais, mais pas beaucoup plus, pas nécessairement beaucoup plus d'accord. compliqué que d'habitude. Ok. Et voilà, je dirais l'intégralité de. Au début, je pensais que ça me prendrait 20-30 heures, au final, c'était pas loin de 40 heures. Ouais, d'accord. Donc il y a quand même un sacré boulot. Chris, Minute Papillon, effectivement aussi. Mais Chris, alors pour le coup, lui, il est vraiment plus sur la culture et sur le débat société, etc. C'est pas tellement sur la science. J'adore Chris Minute Papillon. Et du coup, ouais, une quarantaine d'heures. Du coup, t'arrives à avoir une vie en dehors du boulot de Y Penser ? C'est compliqué. Mais je me force à avoir une vie en dehors d'Y Penser. D'accord. Mais maintenant, ce qui est clair, c'est que ma vie a radicalement changé depuis, ouais. Depuis 15 mois. Je passe du temps, des fois, avec des gens que, il y a 2 ans, je ne connaissais pas, qu'il y a 1 an et demi, j'estimais comme des géants du web, et qui aujourd'hui sont des potes. Quoi. Je veux dire, mais c'est complètement fou. Moi. Je suis très, très reconnaissant à tout le monde. Parce pour que ça. Ta chaîne n'a toujours pas sa première année, là, c'est ça? Non, elle n'a pas encore la deuxième année. Elle n'a pas encore la deuxième année. Ça date du 16 septembre 2013. Donc ça reste une chaîne hyper jeune. Quoi. Ouais, mais complètement. Ok, très bien. Et du coup, ouais, question subsidiaire, je connais déjà la réponse, c'est pour ça que je la pose. Tu dors combien d'heures par nuit pour arriver à faire tout ça? Bah, là, voilà, par exemple, cette nuit, je vais prendre un exemple tout con. On est le jour ou la nuit, là? Là, maintenant, c'est la nuit, là, c'est bon. Alors, non, je vais prendre un exemple très simple, voilà. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai fini d'écrire, donc bah, c'est avec Baptiste, on écrivait Breaking Balls, il restait encore des trucs à écrire, donc j'ai fini d'écrire Breaking Balls. Je me suis pas couché. Donc dimanche, j'ai bossé toute la journée pour faire Breaking Balls. Dans la nuit de dimanche à lundi, je me suis couché à 5h du matin, je me suis réveillé à 7h30 à peu près, ou 8h. Ah ouais. Et la nuit dernière, je me suis couché beaucoup plus tôt, je me suis couché à 3h, et je me suis réveillé à 7h, ou 7h30. Tu vas faire un épisode sur le sommeil, parce que tu sais que c'est pas bon, hein. Mais en fait, c'est pas que c'est pas bon. C'est mais il y aura vraisemblablement un épisode sur le sommeil. C'est pas que c'est pas bon. En fait, c'est une question vraiment, c'est une question de chacun. C'est une question de métabolisme. Ouais, de métabolisme. Maintenant, aussi. Ce qui se passe, c'est que j'avais discuté avec un grand spécialiste du français du sommeil, qui m'a dit ah mais t'as pas besoin de dormir, c'est vachement bien. T'es comme moi. Bon, on mourra plus jeune, mais c'est pas grave. J'ai dit ok. Le début est cool. Ouais. Non mais l'idée, indépendamment de la fin, qui je pense était autant une vanne que pas vraiment en fait. L'idée, c'est de dire. Quand on n'a pas besoin de dormir, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si admettons que demain, j'ai rien à faire, je ne mets pas de réveil ni rien, je vais me coucher, disons, à 5h du matin, mais je te garantis qu'à 8h, je suis debout. Ouais, bah après, t'es habitué. Hein, oui, c'est comme ça. Frais et dispo, quoi. Mm-hmm. De temps en temps, en général, une fois toutes les 6 semaines, 7 semaines, là, ça commence à venir, parce que là, depuis le 1er janvier, mine de rien, ça tabasse le boulot. C'est toutes les 6, 7 semaines, j'ai besoin d'une vraie grosse nuit de sommeil. Genre 7, 8 heures. Mais après, je repars. Ok. Très bien. Alors avant, là je voulais qu'on parle un peu avant d'avoir les questions d'auditeurs qui vont pas tarder à arriver. Tes sources d'inspiration, est-ce que tu as des sources à nous donner diverses et variées, des scientifiques, des auteurs? Alors les sources d'inspiration, je pense que là, juste quand les gens ont entendu ta question là sur le chat, ils ont commencé à écrire déjà la réponse. Donc je pense qu'elle va arriver dans 2-3 secondes parce que je pense que c'est une évidence pour tout le monde, ma première source d'inspiration. Ouais, je sais, tout le monde te la demande déjà. Non mais je voilà, j'attends de voir si ça va arriver ou pas parce que je sais qu'il arrive. Voilà, Alexandre Astier. D'accord. Oui, alors Alexandre Astier, c'est une vraie source d'inspiration sur tout ce qui est la façon de présenter les choses, la façon d'expliquer les choses et de plus en plus la façon d'écrire. D'accord. Parce que voilà, pour moi, Alexandre Astier, c'est avant tout un mec qui sait écrire. Et écrire, c'est pas seulement trouver les bons mots et trouver les mots justes, mais dans la façon de structurer sa pensée et dans la façon d'organiser ce qu'il raconte. Et donc voilà, donc moi, j'ai une vraie inspiration pour ça. Ensuite, d'un point de vue plus scientifique, mais vraiment lié à la vulgarisation, moi, il y a 2 noms qui surgissent tout le temps sur Y Penser. Un certain Feynman. C'est Étienne Klein et Feynman. D'accord. Étienne Klein et Richard Feynman. Pour moi, c'est les deux. Alors après, bien sûr, à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ouais, Sagan ». Je dis « Oui, Sagan aussi ». « Ouais, Tyson ». Oui, Tyson aussi. Brian Greene aussi. Je dirais « Gut » aussi. Je dirais « Tous ces mecs-là aussi, bien sûr ». Mais j'ai un truc particulier avec Feynman et avec Étienne Klein. D'accord. Et pour redescendre sur la terre des humains, au niveau vidéaste, youtubeur, podcasteur Alors, au niveau vidéaste youtubeur, comme inspiration, pour moi, il y a Vsauce et Veritasium en première ligne. D'accord. Voilà. Donc, qui sont des chaînes américaines? Qui sont des chaînes. Alors, non, pas américaines, en fait. Veritasium, je crois. Enfin, en anglais, excuse-moi. Veritasium, je crois que c'est un Australien qui est d'origine canadienne, il me semble. Maintenant, je dis peut-être des conneries. Je sais pas, en fait. Je voulais dire anglophone, j'ai dit une bêtise. Et Vsauce, donc Michael Stevens. Alors, je sais qu'il vit ou il a vécu à Londres. Maintenant, je sais pas s'il est anglais ou s'il est américain, mais je crois qu'il est anglais. Vraiment. Mais en tout cas, on est d'accord, c'est anglophone. Ce sont des chaînes qui sont anglophones. Et alors, Vsauce, justement, lui, ce que j'adore, c'est sa capacité à digresser très naturellement pour partir d'une question qui semble être une question con ou une question absurde, qui n'est pas très importante, et arriver sur un gros sujet. Moi, je me rappelle, et les titres de ces épisodes sont super révélateurs. Il y en avait un, c'était « Où se trouve cette vidéo ?» Et voilà, vous regardez une vidéo, mais la vidéo, physiquement, elle est où? Non, mais c'est impossible, surtout sur YouTube, faut pas poser la question. Et il y avait aussi un autre sujet, c'était c'est quoi la vitesse de l'obscurité? Ils ont connu la vitesse de la lumière. Mmh. Maintenant, voilà, vous avez des photons, vous coupez. À quelle vitesse se propage l'obscurité? Et il se pose, quelle est la couleur d'un miroir? Et il part de ces questions-là et il aboutit sur des trucs qui sont beaucoup plus larges que la question de base. Veritasium, lui, il part sur autre chose. Veritasium, son idée, c'est d'aller chatouiller les gens sur leurs préjugés. Il dit par exemple, voilà, si j'ai tel objet, machin, à votre avis, il dit, je vous présente deux objets voilà, que j'ai dans la main. Voilà, bah, les deux, on les voit là, c'est sur leur vidéo sur le hasard. Il dit, voilà, si je vous présente un disque dur et un livre, vous les touchez les deux, mais avant de toucher, à votre avis, lequel est le plus froid? Il dit, bah, c'est le disque dur. Tu dis, pourquoi? Parce qu'il est en métal. Donc il touche, effectivement, bah, le disque dur, il est plus froid. Il dit, maintenant, on va prendre un thermomètre, enfin, un truc infrarouge pour mesurer la température. Il dit, voilà, tac. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ah, bah, ils ont la même température. Alors, comment vous l'expliquez? Et ça part toujours de choses comme ça. Mmh. De constat, en fait, assez quotidien, quoi. Voilà, mais surtout de se dire, d'aller chercher les gens sur quelque chose qui est acquis pour eux et qui s'avère être faux. Ou un truc, à un moment donné, il dit, ouais, il paraît qu'on maigrit en dormant. D'ailleurs, pourquoi? Il pose la question de pourquoi, et il fait l'expérience, il montre qu'il va se peser tous les jours, etc. Il voit, effectivement, il perd en moyenne 120-130 grammes par nuit. Il dit, pourquoi? Et il déroule tout le truc jusqu'à expliquer que, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en respirant, il absorbe de l'oxygène, il recrache du carbone, du dioxyde de carbone. Et donc, en fait, la masse de carbone et de vapeur d'eau qui va exhaler plus la transpiration, plus tout ça, bah, ça fait 120 grammes. Incroyable. Ouais, bah, super, parfait comme source. Bon, on essaiera de mettre des liens vers les chaînes. Je vais pas demander que tu nous en cites d'autres. Tu passes ton temps à en citer, donc c'est très bien. Justement, là-dessus, sur en particulier tout ce qui est YouTubeur, podcasteur, etc., comment... Tu vois se placer en particulier entre youtubeurs, tu vois, par exemple, par rapport à... Alors, il se trouve que sur la scène française, pour l'instant, chacun a un peu sa couleur très particulière. Un Dirty Biology va pas tellement aborder tes sujets, un Micmac va pas non plus aborder tes sujets, donc vous marchez pas trop sur la plate-bande. Mais vous imaginez comment les choses entre vous, en fait? Enfin, tu voudrais demain faire un sujet de maths, tu vas en parler à Micmac, lui demander une autorisation, lui? Non, autorisation, non. Et s'il parle de physique, il me demandera pas non plus mon autorisation. Tu t'interdis de parler de sujets dont ils ont déjà parlé? Non, alors ce qui se passe, c'est que moi d'une manière générale, je m'interdis rien. Ce que j'essaye de pas faire, c'est voilà, si je suis en train de préparer un sujet et qu'il y a un épisode chez quelqu'un d'autre qui sort sur le même sujet et où je me dis que je n'ai rien de plus à raconter, c'est-à-dire que si au final je vais raconter la même chose, peut-être en utilisant plus de mots, mais je vais raconter la même chose, bah, je me dis que ça n'a peut-être pas un grand intérêt. Donc en général, ce que je fais, c'est je ne mets pas le sujet à la poubelle. Et tu le réorientes de manière à ce que... Ou alors je le mets dans un tiroir. Et je me dis, on verra peut-être que dans un an, j'aurai plus de choses à dire, etc. Mais voilà. Mais non, je pense que si demain je voulais faire une vidéo sur les maths, non, je dirais à Micmac, je dirais, bon, est-ce que ça te dirait, on fait une vidéo ensemble sur ce sujet-là? Est-ce que ça t'intéresse? Plus en partenaire que concurrent ou... Ah, mais autre. Complet. Mais c'est l'avantage, en fait. On essaye souvent d'expliquer qu'il y a de la concurrence sur YouTube. Il n'y a pas de concurrence sur YouTube. C'est pas possible parce qu'en fait... YouTube, c'est pas comme la télévision. La télévision, c'est-à-dire que si tu regardes la 1 à 19h, tu regardes pas la 2 à 19h. Bien sûr. YouTube, tu regardes ce que tu veux quand tu veux. Et de plus en plus, la télé va se rendre compte aussi de ça, parce que de plus en plus à la télévision, les gens regardent en fait le replay. Le replay, ils ont qu'une semaine pour regarder pour l'instant, mais de fait est que s'ils veulent regarder l'émission qui passait sur TF1 et sur la 2 en même temps, ils regardent l'un après l'autre, et puis voilà, point barre. Donc il n'y a pas de rivalité. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. En ce moment, il y a un groupe qui s'est créé il y a quelques mois. Je trouve ça très très bien. Voilà, je suis pas officiellement affilié à ce groupe pour plein de raisons, notamment parce que moi je suis un peu un petit con qui aime bien son indépendance. Mais j'ai le même genre d'indépendance que je peux avoir par rapport également à Vidéosciences. C'est-à-dire que mes vidéos sont dessus, je connais les gens, mais je suis pas impliqué dedans. Et donc ce groupe, c'est la Vidéothèque d'Alexandrie, où là pour le coup ça regroupe vraiment. Alors ce que je vais dire, c'est vraiment sans. Faut vraiment le prendre premier degré. Ce que je veux dire, c'est tous les petits et jeunes youtubeurs qui parlent de science, d'éducation et de culture. Alors, dedans, maintenant, le fait est qu'on prend Nota Bene et Dirty Biology, ils sont plus si petits que ça. Ouais. Voilà, mais parce qu'ils ont eu... Ils ont et eu même des... au niveau technique, ils sont plus petits voilà. que ça, quoi. Et puis ils ont eu le coup de pouce d'Antoine Daniel, le même que moi j'ai eu aussi en mon temps, le même qu'Axelot a eu en son temps, le même que Fossoyeur de Film a eu en son temps. Non, je pense qu'un mec comme Antoine Daniel, dans quelques années, quand il regardera avec le recul... Non, mais quand il aura le recul sur toutes ces années-là, genre, il aura de quoi être fier, quoi. Et donc, voilà, Vidéothèque d'Alexandrie, c'est vachement bien... Le concept, après, il faut encore que ça s'organise, il faut encore que ça trouve sa place, mais c'est vachement bien de se regrouper parce que ça permet aux uns de vivre avec les autres. En fait, ils sont en train plus ou moins de monter ce qu'en son temps le Nesblog avait monté avec les chaînes de vidéos, de jeux vidéo. Tu peux rappeler juste en deux mots, ce que fait la Vidéothèque d'Alexandrie? C'est juste un groupe de vidéastes YouTube, sachant qu'ils se regroupent autour de cette notion-là, que pour faire partie de la vidéothèque d'Alexandrie, il faut présenter un contenu qui est plus ou moins soit éducatif, soit culturel. D'accord. Ça peut être scientifique, ça peut être même sur des sujets qui peuvent être jugés complètement à la con. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir une chaîne qui parle de jeux vidéo. Mais si on apprend des choses sur les jeux vidéo, ou sur l'histoire des jeux vidéo, ou sur l'économie des jeux vidéo, ou sur la psychologie du game design, ce genre de choses, ça peut avoir sa place dans la vidéothèque d'Alexandrie. D'accord. Et le fait est que c'est vrai que ça permet, parce qu'il y a des gens qui, du coup, qui vont connaître, admettons, Code Mu, donc Code Mu qui parle beaucoup de français, qui explique l'origine de mots méconnus ou bien l'origine d'expressions un peu curieuses, dire comme pourquoi est-ce qu'on dit autant pour moi, comment ça s'écrit, ah Physics Girl, Physics Girl c'est ma chouchou. Bref, donc les gens ils connaissent Code Mu ou ils connaissent Nota Bene ou ils connaissent Dirty Biology, ils vont arriver par là, puis d'un coup ils vont connaître Revue du Monde, ils vont connaître Syllabus, ils vont connaître Pilote, qu'ils auraient peut-être aussi connu par ailleurs d'eux-mêmes. Mais au moins en arrivant là, et quelque part, et c'est là où il faut qu'ils fassent attention justement à cette vidéothèque d'Alexandrie, à ne pas trop se disperser, c'est qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin en main pour que leur logo vidéothèque d'Alexandrie soit quelque part un gage de qualité. Que les gens disent, voilà, c'est un truc qui est tamponné vidéothèque d'Alexandrie. S'il n'y avait pas le tampon, ça pourrait être très bon. Mais s'il y a le tampon, ça veut dire que ça a été validé par des gens que vous aimez et que vous regardez. Et donc, ça va vous plaire normalement. D'accord, ouais. Donc c'est un truc d'aide et ça marche assez bien. Je suis assez content. Ok. Bon, pour en finir un peu avec les inspirations, tu lis des blogs ou il y a des journalistes qui t'inspirent aussi un peu ou l'écrit moins? Je suis moins dans l'écrit, en fait. D'accord. J'ai plus le temps, mais ça m'arrive. Donc, en fait, quand je suis dans l'écrit, je suis dans les livres. D'accord. Bah, j'allais y venir aussi à parler et la science-fiction dans tout ça. T'es TARDIS ou DeLorean? Ah, moi je suis plutôt TARDIS. Maintenant ce qui se passe, mais parce que moi je suis pas de la génération DeLorean en fait, c'est ça. C'est-à-dire moi j'étais déjà grand quand il y a eu le. Parce que le premier, enfin je dis ça, j'étais déjà grand, non, le premier c'est quand? C'est 85, 86 Ouais, ça doit être un peu 80, dans ce 85, j'étais pas si grand que ça, 85 j'avais 8 ans. Hein. Donc voilà, mais attention, moi j'ai beaucoup aimé Retour vers le futur. J'ai beaucoup aimé Retour vers le futur, mais je sais qu'il y a toute une génération pour qui Retour vers le futur c'est le film. Bah non, moi c'est pas le film. Moi j'ai été à cheval entre le Retour du Jedi. Que j'ai vu au cinéma, c'est le seul de la vraie trilogie que j'ai pu voir au cinéma, et Matrix. Moi, je suis quelque part entre ces deux trucs. Même si pour moi, la science-fiction, pour le coup, la vraie science-fiction aujourd'hui, c'est 2001, point barre. Point barre, d'accord. Voilà. Après, on peut discuter d'Interstellar, on peut discuter aussi de quelques autres films. On s'est fait un énorme épisode sur Interstellar, justement. On peut discuter de quelques autres films, mais... Non, mais c'est marrant que tu dises que la science-fiction, c'est 2001 point barre, parce que là, je dirais, c'est de la science où on met de la fiction autour, mais t'as typiquement ce que fait Douglas Adams, alors c'est pas du cinéma, mais où on est un peu loin de la science-fiction, mais je trouve qu'il y a toute la démarche scientifique et la curiosité qui est là, quoi. Mais alors, attention, moi, Douglas Adams, j'adore. Moi, j'avais fait tout un épisode avec la serviette autour du cou pour prévenir le Towel Day. Donc, je veux dire, c'est moi, Douglas Adams, j'adore. Et je le revendique. Et je dis, à chaque fois que je présente des bouquins, il y a toujours un bouquin de Douglas Adams qui passe au milieu en disant, n'oubliez pas H2G2. Donc, c'était plus la SF au cinéma, tu disais peut-être. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, okay. Voilà. Mais c'est vrai qu'en SF, SF papier, pour le coup, il n'y a pas que 2001. Il y a Arthur Clarke, mais il y a aussi Asimov, il y a aussi même Philip K. Dick. Enfin, après, on va mélanger plein de choses parce qu'il va y avoir l'anticipation, il va y avoir du SF qui va mélanger avec du fantasy à Douglas Adams, voilà. Et mais il y a Douglas Adams comme il y a Terry Pratchett aussi. Et voilà, mais c'est des mecs qui me font halluciner. Voilà. J'adore. J'essaye de comprendre les mécanismes de pensée de ces gens-là. Un mec comme Douglas Adams, comment est-ce qu'il arrive à s'imaginer. Ah oui, pardon, j'avais oublié Contact. Oula, non, voilà, Contact, c'est de la vraie pure science-fiction aussi. Pardon, je m'excuse. Contact, c'est un vrai. Bon, et pour le coup, Contact, Zemeckis, qui a fait aussi Retour vers le futur. Et Contact, dans toutes ses versions, est très bien. C'est-à-dire dans la version film, dans la version écrite, la version papier de et Sagan. La version blog audio lue par l'actrice dont j'ai oublié le nom du film. Jodie Foster est génial aussi. Ah, le blog audio, je connais pas. Moi, livre audio lu par Jodie Foster. Parce que je connais le bouquin de Sagan et je connais le film. Le film qui a donc été réalisé par Zemeckis, qui a fait aussi Retour vers le futur. Pour le coup, moi, entre Retour vers le futur et Contact, il n'y a pas d'hésitation. Mais Contact... Il y a beaucoup de choses en commun avec 2001, si on réfléchit bien. Toute la partie, on va dire toute la partie fin de 2001, on la retrouve clairement dans Contact. Après, c'est vrai que après, je connais pas les interprétations derrière. Le côté 2001, un peu Stargate. Et je vois bien le côté perché de la fin que Interstellar a essayé de faire aussi. Tous ces films-là ont envie de faire un côté perché à la fin. Bah, ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés à un moment donné de représenter quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas se représenter. Il dit, voilà, bon, on va représenter un univers en 11 dimensions. Je dis, mais comment tu veux faire ça? Bah, c'est simple, on n'a qu'à faire, bah, le mec, il est dans sa chambre, en fait. C'est pas plus absurde qu'autre chose. Il voit tous les côtés en même temps. Voilà, c'est pas plus absurde qu'autre chose au final. C'est ça. Et là, parmi un peu toutes ces sources ou d'autres, est-ce qu'il y en a une qui a complètement changé ta vision du monde à un moment donné? Alors, parmi ces inspirations, alors il y a... Ou autre, enfin, hein, un moment où tu as découvert quelque chose lié aux sciences qui aurait changé vraiment ta vision du monde. Lié aux sciences? Ouais, ou aux science-fiction éventuellement, mais ou, qui aurait peut-être justement déclenché un peu cette flamme ou des choses comme ça. Non, je pense pas vraiment. Ouais, moi, pour moi, c'est vraiment c'est quand j'ai découvert Kubrick, ouais. Quand j'ai découvert... Moi, sur 2001, alors, l'histoire, la façon dont j'ai découvert 2001 est assez marrante. C'est... À l'époque, autour du Nouvel An, je ne sais plus si c'était la nuit du Nouvel An ou quelques jours avant le Nouvel An, sur France 3, qui à l'époque s'appelait FR3, il passait donc des films, je crois que c'était Cinéma de Minuit, qui existe toujours hein, d'ailleurs, qui était présenté par un type qui a une ponctuation tout à fait aléatoire, qui dit « Le film de ce soir a été écrit en 1968 et est réalisé par Stanley Kubrick. » Donc le mec, il parlait comme ça. Moi, il était fascinant, ce gars. Et moi, ce que j'aimais, c'était qu'entre les deux films, il y avait des Tex Avery. D'accord. Et moi, j'étais trop petit pour regarder. Je parle de ça, j'avais 10 ans, donc j'étais trop petit pour regarder. Parce que le premier film se terminait à minuit. Il y avait deux Tex Avery, et ensuite il y avait le deuxième film. Et donc j'avais demandé à mes parents d'enregistrer. Donc ils avaient programmé pour enregistrer le Tex Avery. Donc ensuite ils ont laissé courir la cassette. Et donc le lendemain, quand je regarde ça, je regarde les Tex Avery. Et puis d'un coup, il y a 2001 qui commence, qui était le deuxième film. 2001 qui commence. Et j'ai découvert 2001 comme ça. D'accord. Et le sentiment. À cet âge-là en plus. Oui, à 10 ans. À 10 ans, tu découvres des hommes préhistoriques, tu te dis c'est génial. Je dis voilà. Ensuite le vaisseau. Ensuite je me dis putain c'est dingue, c'est vachement bien fait. J'avais rien bité au film, hein, qu'on soit clair. Ouais, j'imagine. Non, mais voilà. Mais et c'est ça la force aussi de Kubrick qu'on retrouve un peu parfois aussi chez Lynch, c'est de se dire j'ai rien compris mais je sens qu'il s'est pas foutu de ma gueule. Ouais. J'ai rien compris mais je sens bien qu'il y avait des choses à comprendre et que c'est moi qui ai pas compris. Et je pense que ça vient de là. Ouais. À un moment donné. Très bien ce que tu veux dire. J'aime vraiment bien ouais, quand tu dis j'ai rien compris, mais j'ai l'impression qu'il se fout pas de ma gueule et qu'il n'y a pas rien à comprendre. Parce que c'est vrai que c'est un peu énervant dans certains films de science-fiction, ça. Bah, oui, c'est vrai que c'est un contrat avec l'équipe, avec le film. Quoi, que quand tu comprends qu'il se fout de ta gueule, tu fais ok, bon, là, il se fout de ma gueule. C'est clair que le problème, c'est quand tu te demandes pourquoi. Quoi. Quand tu te demandes pas pourquoi, que tu comprends rien, mais que tu te demandes pas pourquoi il se passe ci ou ça, c'est bon, ça marche. Enfin, d'une certaine manière, c'est un bon test. C'est ça. Quand tu te demandes pourquoi, quelque part, c'est que c'est quelqu'un qui a juste voulu faire un truc un peu obscur. C'est un peu ce que je disais dans ma vidéo sur le voyage dans le temps, où je disais, voilà, on va essayer de parler sérieusement du voyage dans le temps, parce qu'on va pas le faire comme dans les films où ils disent, c'est simple, il n'y a qu'à inverser la polarité, et puis c'est bon, quoi. Voilà, c'est parce que ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui écrivent de façon intelligente et qui essaient vraiment de répondre aux questions. Arc-bouter les archemuses, ou je sais plus ce que voilà, c'est. Voilà, souquer les archemuses. Ouais, souquer les archemuses. Ça veut rien dire, souquer les archemuses. Bon, okay. Quand on cite du Chabat, ça va aussi. Bon, je te passe en vitesse lumière, Chouba. Je te demandais tes inspirations, etc. Et moi, j'ai vu ta dernière vidéo de Turing et j'ai découvert qu'a priori, t'as quand même une très grosse passion pour Turing. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? En fait, alors, moi pour le coup, c'est-à-dire que la plupart des gens qui suivent l'émission, même ceux qui suivent que de très loin l'émission, savent que j'ai une vraie passion pour Tesla. Ouais. Alors, après Tesla, il y a Turing. Ne serait-ce qu'en regardant l'endroit où tu filmes. Voilà, c'est ça. Mais après Tesla, il y a Turing. C'est-à-dire que moi j'ai quelques personnages. Et ce qui est marrant, c'est qu'après Turing, c'est Rachmaninoff. D'accord. Donc rien à voir. Mais j'adore l'histoire de Rachmaninoff. En fait, oui, moi Turing, quand j'étais gamin, je me disais un jour je serai réalisateur de films, je ferai des films. D'ailleurs, pas complètement abandonné cette idée. Non, pas trop. Mais comme beaucoup de vidéastes sur YouTube, ils ont quelque part, on a tous en tête cette idée de la fiction, quelque part à un moment donné. Du cours, du long, du web, on sait, de la série, on sait pas. Mais quand j'étais gamin, je me disais je ferai un film sur la vie de Turing. Et voilà, bon. Et Turing, tu as découvert comment tu t'es trouvé une passion pour Turing? Alors là, pour le coup, ce qui se passe, c'est moi, j'ai. Je pense que c'est aussi lié à ma génération. C'est-à-dire que moi, mon premier ordinateur, je l'ai eu, j'avais 6 ans. J'avais 5 ou 6 ans. C'était un TO-770 qu'on branchait directement sur sa télé avec une prise Péritel. J'avais les cartouches de 16K de RAM. 16K, je précise. Hein. Donc, c'est pas des gigas, c'est pas des mégas, c'est des kilos. 16K de RAM qui faisait genre 600 grammes. 600 grammes. Qui faisait 5 cm sur 5 cm. Mais quoi. C'est ça, c'était un toneur d'imprimante le truc. et voilà, avec un crayon optique, et j'ai fait mes premiers programmes en basique. 10, print machin, 20, input, 30, go to 10, voilà, ce genre de conneries. Qui ressemblait pour le coup beaucoup plus à une machine de Turing que les langages actuels. Exactement. Mm-hmm. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu ce côté-là, et puis j'ai suivi l'évolution des ordinateurs en fait. Moi j'ai eu le TO-7, après j'ai eu un Commodore 64, après j'ai eu un PC. J'étais le seul type que je connaissais qui avait un PC avec un disque dur. J'avais un disque dur de 20 mégas. J'avais tanné mes parents en leur expliquant que c'était nécessaire pour pouvoir faire des programmes et tout, alors qu'en vrai, c'était juste nécessaire pour installer Flight Simulator 3. J'avais Word 1 qui tournait en DOS. Et j'avais donc des disquettes 5 pouces, 1 quart, 3 pouces et demi. Je me rappelle de l'arrivée de la souris. Et une fois que c'est devenu naturel, la souris, on se demandait comment on avait fait avant. Mais donc, ce qui se passe, c'est que, de fait, je pense que moi, je fais partie de cette génération qui, tous ceux qui, comme moi, ont eu un ordinateur jeune dans les années 80, savent bidouiller un ordinateur. Et ils savent faire de la programmation, c'est pas nécessairement des tueurs, ils savent pas nécessairement faire de l'assembleur, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on se pose la question du basique ou de l'assembleur un petit peu en profondeur, on tombe sur Turing. Ouais. Et on se dit, mais ce mec-là, c'était quand ? Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais quoi ? C'était juste abstrait. Et ouais, c'était juste un vue de l'esprit. Mais pire encore, c'est les booléens qui sont encore plus vieux. Mais oui, moi, quand j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire avec des portes non et on pouvait faire des mémoires à 4 bits, des mémoires à 16 bits, j'en ai fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train de redécouvrir ça avec Minecraft. Mais tu me retires les mots de la bouche. Moi, j'adore voir le fait qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 15 ans qui fabriquent des imprimantes 3D et des PC dans Minecraft. Je trouve ça génial. Avec des portes logiques, etc. Mais je trouve ça excellent. Ok. Bon, on va faire un petit peu 5 minutes d'autopromo parce que je pense que c'est intéressant de poser la question. Est-ce que tu connaissais Podcast Science ? Et est-ce que tu, plus généralement, parce que c'est pas que pour parler de nous, est-ce que tu écoutes et que tu connaissais des podcasts audio ? Alors, je précise, je ne connaissais pas Podcast Science avant de commencer à y penser. Mais je connaissais Podcast Science depuis quelques mois déjà. Je ne suis pas très podcast audio. Il y a une époque, il y a quelques années, où j'étais très podcast audio parce que je marchais beaucoup. Parce que en fait, je bossais assez loin de chez moi et que j'y allais à pied. Maintenant, je bosse toujours au même endroit. Je bosse dans mon studio, donc voilà. Mais avant, je marchais. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me l'ai chargé sur mon smartphone. Comme il est coutume de... Enfin, c'est comme ça qu'on appelle les iPhones, je crois. Ouais. Et donc, en fait, je me les écoutais sur le chemin. Ouais. Mais c'est un truc qui revient aussi. Ça se tend. Moi, je vois qu'il y a CJP Grey avec Brady Haran, qui est un journaliste qui chapeaute les chaînes Numberphile, Computerphile, etc. Donc, Periodic Table, 60 Symbols. Ils ont un podcast audio qui s'appelle Hello Internet, qui font quand ils peuvent, je ne suis pas sûr que ce soit ultra régulier, où ils parlent de plein de sujets. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de revenir, y compris dans les chaînes, sur les chaînes anglophones, ce qui est pas mal, parce que moi, j'aime bien la diversité des médias, en fait. Mais moi aussi, mais en fait, je te pose la question, parce qu'un truc qui m'intrigue beaucoup, et je voulais avoir ton avis, c'est concrètement, dans notre vie, quand on fait plein de choses à côté, on a beaucoup plus de temps pour écouter des choses qu'on a du temps pour en regarder. Et pourtant, les choses sont beaucoup plus regardées qu'elles sont écoutées. Ouais. Voilà, je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Alors ça, moi, j'ai peut-être un début d'explication. Et ça, je pense que c'est lié à un truc dont je parlais dans ma dernière FAQ, je crois, sur le fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'ennuyer. Et ce qui se passe, c'est que le premier de nos sens, celui qui est le plus utilisé, c'est la vue. Et que donc, ne pas s'ennuyer, c'est stimuler sa vue. Je pense que c'est ça. Oui, c'est, et c'est pour ça qu'il peut y avoir masse de vraies conneries à la télé. Je veux dire que des fois, ouais, bien sûr, mais des fois, la télé allumée. Mais des fois complètement assumées. Je veux dire, sur Energy 12, il y a des émissions, je regrette, elles sont complètement assumées pour n'être rien d'autre que de l'occupation des yeux. Et par exemple, si on reprend, parce que bon, les podcasts et les vidéos YouTube, c'est assez récent, mais on passe plus de temps à écouter la télé qu'on passe de temps à écouter la radio. Bien sûr. Et sans la regarder même, c'est ça qui est pas... Oui, bien sûr, mais... Avec le gros problème, moi, personnellement, quand il y a une image, ça m'empêche de me concentrer aussi bien que quand il n'y en a pas. Mais après, ça, c'est, je pense qu'on n'est pas tous foutus pareil non plus. Hein. Non, mais c'est tout à fait logique. C'est quand il y a une image, ça nous stimule. Si on regarde cette image, on se concentre de fait sur cette image et on se déconcentre d'autres choses. Ah oui, ça fait partie de la nature des animaux où notre cerveau, il est vraiment programmé pour justement être capable d'être, attrapé par des images. Par les images. Ça, c'est très... C'est très... Et le fait est que, si, pour te répondre aussi, Nico, quand même, imagine que tu es sur Internet, tu surfes comme ça sans être abonné à quoi que ce soit, sans avoir tes habitudes déjà, etc. Ouais. Tu tombes sur une vidéo, tu la regardes. Tu tombes sur un truc audio, tu vas ouvrir en anglais, tu vas lire un texte et finalement tu vas jamais, jamais écouter l'émission jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a des échelles en fait entre les deux qui sont assez incroyables. En fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les ordinateurs n'avaient pas nécessairement d'enceinte. Oui, c'est vrai aussi. Les ordinateurs ont toujours eu un écran, ils n'avaient pas nécessairement de sortie audio. Et les sites internet aujourd'hui passent rarement de la musique ou des choses comme ça. Moi, le premier truc que je fais quand je vais sur un site et qu'il y a du son, c'est que je le coupe. Bah, c'était dans les années 90 qu'on s'éclatait, on mettait de la musique et tout, mais on a vite arrêté. Quoi. Ouais, mais pourquoi ? J'ai un moment donné pourquoi. C'est pas, a priori, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle. Non, mais c'est vrai que moi, dès que je vais sur un site, il y a de la musique, le premier truc que je fais, c'est Well Player. Et si je ne trouve pas dans les 3 secondes, alors qu'on a des gifs animés. Quoi. Ouais. Et ça, ça ne me pose aucun problème. Mm-hmm. J'aime bien. Là, sur Y-Penser, bon, on en a rapidement parlé. Ta chaîne existe depuis donc, bientôt 2 ans, ce que tu disais. Ouais. Elle a eu un succès complètement délirant. Tu t'attendais un peu à ça ou pas? Je m'attendais. Alors, pour être tout à fait honnête. Je m'attendais à ce que ça marche, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. C'est-à-dire, moi, j'ai été sûr et certain que j'allais rencontrer un public. Mais je pensais pas que ça intéresserait autant de monde, je pensais pas que ça plairait autant. C'est parce que moi, je vois, il y a des réactions où je me dis, mais moi, je serais à leur place, je n'aimerais pas ça autant qu'eux. Et donc, non, mais c'est assez dingue. Et moi, je l'ai dit, j'arrête pas de le dire en ce moment, mais c'est, voilà, c'est que moi, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre 50 000 abonnés en 2 ans, avant de me poser la question de savoir si je continuerais ou si j'arrêtais. Mmh. Donc moi, j'étais parti pour faire ça pendant 2 ans en me disant, si j'ai 50 000 au bout de 2 ans, ça vaudra vraiment le coup de se poser la question de continuer. Et je dis, voilà, là, ça fait quoi? Ça fait 14 mois? Ça fait 15 mois? Non, ça fait un peu plus que ça maintenant. Ça fait, on va dire 18 mois, pour faire simple. Ça fait 18 mois et j'ai dépassé, voilà, je sais pas, 216, 217 000 abonnés. Je veux dire, c'est dingue, c'est Rennes. Rempli, quoi. C'est Rennes. C'est Rennes. Voilà. C'est aujourd'hui. On passe le bonjour à Rennes qui nous écoute. Non, mais il y a 10 villes en France qui ont plus de 200 000 habitants. Je veux dire, c'est dingue. Et je ne veux même pas imaginer, du coup, qu'un mec comme Antoine Daniel qui frise les 2 millions, ou un Cyprien qui a plus de 6 millions. Et je ne parle même pas d'un PewDiePie qui a plus de 34 millions. PewDiePie a plus d'abonnés sur YouTube que YouTube. Est-ce que tu as un épisode préféré de tes épisodes de sur ma chaîne? Ouais. J'aime beaucoup, c'est pas un préféré, j'aime beaucoup mon introduction à la relativité restreinte, j'aime beaucoup mon La preuve par vieux sur Mendeleïev, et j'aime beaucoup mon épisode sur le cerveau. Mais j'aime les autres aussi. Mais pareil, il y a des épisodes, je peux plus les voir. Bon, Mendeleïev, c'est un de mes préférés aussi. C'est celui-là où tu dis qu'il est badass, je crois, non? Oui, c'est ça, c'est une rockstar badass, scientifique barbu, russe. Voilà, mais c'est, je veux dire, à un moment donné, comment présenter de façon... Comment expliquer Mendeleïev ce que ça a pu être pour l'époque? Parce qu'évidemment, le mec, c'était pas ZZ Top non plus. Mm. Mais voilà, expliquer que le mec, il détonnait complètement là-dedans et que... Voilà, badass, quoi. Avant de donc poser les questions d'auditeurs, je vous assure, ça arrive. Juste parler des sous, un peu. Ah. C'est important de parler de sous. Parce que bon, on se pose tous ces questions-là. Est-ce que tu voudrais générer des revenus? Alors, je sais qu'on va parler de Tipeee, hein, mais éventuellement vivre de cette activité. Parce que actuellement, si je me trompe pas, il y a pas de pub sur YouTube sur ta chaîne. Ah si. Ah bon, donc c'est que parce qu'on a pas réussi. C'est parce que t'as AdBlock. C'est parce que t'as AdBlock, c'est ça. D'accord. Donc t'as bien une monétisation sur YouTube, ouais. Et Tipeee en plus. D'accord. C'est ça. Et t'as pour objectif d'en vivre. C'est ce que tu disais. Moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que ça devienne mon activité principale. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que mon activité principale, ça veut dire qu'il faut que ce soit l'essentiel de ce qui me fait vivre. D'accord. Pour que je puisse justement lever un peu le pied au niveau de l'architecture logicielle. En imaginant que c'est YouTube, en devenant YouTuber, ou en imaginant une activité un peu plus variée que juste du YouTube? Alors là, pour le coup, je vais rejoindre un peu ce que disent la plupart des YouTubers et donc des vidéastes à qui on pose cette question. C'est moi, je suis pas particulièrement attaché à YouTube. YouTube, c'est là que ça se passe, quoi. Si demain ça se passe sur Dailymotion, ce sera sur Dailymotion. Et sur Twitch. Si ça se passe sur Twitch, ce sera sur Twitch. Si ça se passe sur Watt, ce sera sur Watt. Je suis pas attaché à une plateforme en particulier. Voilà, il se trouve que c'est une plateforme qui, c'est la plateforme qui a le plus de succès et elle a toutes les fonctionnalités qui vont bien. Il en manque, il y en a qui servent à rien, etc. Mais je veux dire, voilà, on voit arriver maintenant Facebook vidéo, Twitter vidéo, etc. On sait pas comment ça va évoluer. Et moi, ce qui est sûr, c'est que j'aurais aucun souci, je dirais, idéologique ou philosophique, à changer de plateforme. Ça posera des problèmes techniques, parce qu'on va perdre des abonnés en route, parce qu'ils n'auront pas eu l'info, etc. Ça, c'est compliqué. Mais je ne suis pas particulièrement attaché à YouTube. D'accord. Et au niveau du Tipeee, pour rappel, c'est un peu un concept un peu hybride entre plein de trucs, mais grosso modo, c'est du pourboire virtuel. Je sais que t'aimes pas le terme, mais... Non mais voilà, moi c'est le terme de pourboire me gêne un petit peu, mais en fait c'est du financement participatif, c'est un peu le même principe que le crowdfunding, sauf qu'au lieu de financer un projet qui n'existe pas, en fait on aide à post-financer un projet qui existe déjà. On met des mots modernes, mais en fait c'est du don, quoi. C'est ça. Ouais. C'est du don, en étant clair sur le fait que, don ou pas, l'émission existera tant qu'elle pourra exister. Elle existe déjà, voilà, elle est là. Et du coup, les coordonnées, c'est facile à trouver. Il suffit de chercher Y-Penser sur Tipeee et on trouve. Ouais, alors Tipeee, par contre, voilà, je sais pas pourquoi ils sont comme ça. C'est T-I-P et il y a 3 E. Ah, il y a 3 E, d'accord. C'est Tipeee. Je croyais qu'il y en avait que 2 en plus. Non, il y en a 3. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Ok, alors bon, Je sais pas si ça vaut le coup de poser des questions sur les projets, tu as déjà parlé de plein de trucs, t'as des nouveaux projets, t'as des choses à dire ou pas? Alors 2015, il y a énormément de projets. Mais non, mais 2015, je dis comme ça, il y a énormément de trucs en préparation. C'est rassurant, on est en février. Ah ouais, non, mais c'est... Bah, y a qu'à voir, mais je vous dis, moi, depuis le 1er janvier, là, on est le 10 février, depuis le 1er janvier, je suis à 7 épisodes déjà. Ouais, c'est bon score. Donc voilà, 7 épisodes en comptant celui qui sort après-demain, je précise, voilà. Mais je dis, non, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Dont tu ne peux rien dire. Dont je ne peux pas parler, voilà. Il y a plein de collaborations, il y a plein de... Enfin, voilà, Et donc, du coup, tant pis, on va aller plus loin, comme ça tu pourras peut-être en parler. La question entretien d'embauche dépassée, tu vois le projet comment dans 10 ans, dans 5 ans? C'est dur, hein? C'est super compliqué de répondre à un truc comme ça. Je pense que, voilà, si ça continue, je pense que dans 5 ans, à mon avis, dans 10 ans, je ne sais pas, dans 5 ans, je pense qu'y penser existera encore. Enfin, j'espère. Mais clairement, je pense que ce sera complètement industrialisé. Donc ça aura probablement perdu un petit peu de son charme. Tu auras perdu les premiers arrivants, c'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai déjà perdu beaucoup des premiers arrivés. Hein. D'accord. C'est triste, mais je sais qu'il y a quelques noms qui étaient notés, des avatars, parce que c'est des gens, justement, à l'époque, je pouvais discuter avec eux, et il y en a beaucoup qui sont partis. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas, je sais pas. À un moment donné, Tu dis que l'industrialisation va être forcée à un moment, surtout que tu veux en vivre. À un moment donné, je vais être obligé. C'est-à-dire que, à un moment donné, je vais être obligé d'avoir quelqu'un qui m'aide à faire le montage, quelqu'un qui m'aide à faire le son, quelqu'un qui m'aide à faire tout ça. Je veux dire, c'est voilà. Et de fait, ça va faire évoluer la chose. Moi, je resterai aux manettes pour tout ce qui est écriture, pour tout ce qui est tournage, mais et encore, je dis ça maintenant, j'en sais rien. Si ça se trouve que ce sera pas du tout le cas, ça se trouve dans 5 ans, ce sera encore pire artisanal qu'aujourd'hui. Je serais peut-être en mode... Voilà, c'est... Il y a des contre-exemples. Je prends par exemple Link the Sun. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est là. Ouais. Et où c'est resté tout aussi... Il garde sa patte. Je veux dire, ça reste Link the Sun. À aucun moment, on se dit... Je sais pas s'il en vit, par contre, mais... Je sais pas. J'espère. Mais voilà, mais Link the Sun, voilà, ça reste Link the Sun. Et pourtant, il fait évoluer les concepts. Hein. Il fait évoluer, je veux dire, la qualité, ça évolue. Enfin, tout évolue, mais ça reste Link the Sun. À aucun moment, je me dis, bon, bah, il y a une équipe de 15 personnes maintenant derrière. Alors, s'il faut, il y en a une, mais tu le vois pas. Mais si ça se trouve, il y en a une. Mais voilà, en tout cas, il est invisible. Et c'est là où, par exemple, aux États-Unis, tu prends la chaîne SciShow. Mais ça, c'est américain. En France, ça passe pas. La chaîne SciShow, si tu regardes le générique. Mais il y a 40 personnes qui bossent sur les épisodes. Pourtant, c'est un type qui est devant un fond bleu, seul, et qui parle. Et il y a des illustrations. Je veux dire, c'est encore, je dirais, il y a moins de choses complexes à mettre en place que pour un épisode d'y penser. Ouais. Mais il y a 40 personnes derrière. C'est les Américains. C'est à l'américaine. Et voilà, parce que eux, ils n'ont pas peur de dire, voilà, on est une équipe, ils n'ont pas peur de dire ça coûte du blé, ils n'ont pas peur de dire il faut qu'on vende des produits pour que ça rapporte. Ok. Bon, je voulais qu'on parle juste vite fait de communication scientifique, parce qu'on a parlé beaucoup de ta chaîne et on n'a pas peut-être abordé l'essentiel. Pourquoi c'est important de comprendre la science? Il y a plein de façons de répondre à cette question. Une des façons, c'est de répondre en amenant la quote que j'ai préparée. Maintenant, c'est peut-être pas le moment. Non, alors du coup, je vais pas y aller par ce biais-là. En fait, c'est pas que c'est important de comprendre la science. Ce qui est important, c'est de comprendre que le processus de pensée dans un cadre scientifique n'est pas le même que dans les autres cadres. Moi, régulièrement, il y a 2 ans, je discutais avec des gens sur Internet qui, quand on leur disait la gravitation, ils me répondaient « c'est ton opinion ». Oui. Non, c'est pas mon opinion. Non, il y a plein de choses, effectivement. Et dans les sciences, notamment dans les sciences humaines, il y a des sujets sur lesquels on peut dire c'est ton opinion parce qu'on n'a pas pu prouver, parce qu'on n'a pas validé, etc. Mais même dans les sciences dures, il y a des sujets, on ne sait pas trop, il y a des hypothèses. Mais il y a des sujets, on sait quoi. Mais s'il y a des sujets où ce qui se passe, c'est que si on est d'accord sur les axiomes, ce qui en découle naturellement, c'est pas une opinion. Il y a des gens qui disent bah, toi, tu décides de penser ça, moi, je décide de penser autre chose. Là, j'ai découvert récemment, je crois que c'était par une vidéo de Vsauce. Comment ça s'appelle ? Alors c'est pas vraiment une religion, mais c'est un courant de pensée, mais c'est plus une doctrine. En fait, ça s'appelle le Last Thursdayisme. C'est un courant de pensée qui consiste à dire que l'univers a été créé jeudi dernier. Mais c'est un truc très sérieux. Mais jeudi dernier, tous les jeudis derniers ? Jeudi dernier. D'accord. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que si tu te poses la question dans une semaine, tu diras mais je m'étais déjà posé la question la semaine dernière. Tu dirais non, parce que quand l'univers a été créé jeudi dernier, il t'a créé avec déjà le souvenir de cette question. D'accord, je vois. Et l'intérêt de ce truc-là, donc des jeudis derniérismes, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est que ça fait partie de ces hypothèses qui sont indémontrables. Ouais. Et du coup, l'opposé aussi. On ne peut pas démontrer que c'est faux, puisque quel que soit l'argument qu'on apporte, on pourra toujours nous répondre oui, mais évidemment, puisque ça a été créé avec cet argument déjà en tête. Mmh. C'est comme moi, je discutais avec un créationniste qui m'expliquait qu'en fait, Dieu, en créant la Terre, avait déjà créé des fossiles de dinosaures. Oui. J'ai dit, ok, bah, dans ce cas, c'est bon, la discussion est close. J'ai dit, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, je suis le seul à exister, que tout l'univers n'existe que dans ma tête. Prouve-moi que c'est faux. Mais non, c'est ça. Là, tu dis, moi, je sais que j'existe. Non, mais toi, tu penses que tu sais que tu existes. Mais en fait, c'est dans ma tête. Voilà. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que moi, il y a aussi un truc qui m'intéresse énormément. Et je prends le temps de préparer ça parce que je sais qu'on va m'attendre au tournant là-dessus, même si on me le demande, on me le réclame. Je vais me faire la pensée complotiste. Ah oui. Je vais me l'emplâtrer. C'est bah, un moment si donné, t'as, je vais le si t'as envie de l'inspiration, alors c'est une émission assez longue. On a reçu Alexandre Moiti qui a écrit un bouquin qui s'appelle Alter Science, ouais. Sur tout ce qui est ce que lui appelle les alters scientifiques, c'est-à-dire c'est pas que les complots, c'est surtout toutes ces théories alternatives. Théories alternatives qu'on trouve sur le web. Qui sont absolument pas des théories scientifiques, mais pas que sous forme complot. T'as des choses qui sont plus sur la durée ou des gens. Ouais, mais en fait, je l'ai mal dit. Moi, je dis complotiste parce que ça résume tout pour moi, mais c'est ça aussi. C'est toutes les théories alternatives et fumeuses qu'on peut trouver sur le web. Ouais. Et voilà. Et voire même où des fois les politiques y ont cru. Par exemple, je crois qu'on avait parlé des avions sniffers ou je sais plus quoi à l'époque ou des choses comme ça. Enfin, il y avait des avions renifleurs. Où c'était une grande fumisterie, pareil. Enfin, plein de choses comme ça. Bah, il y a un député qui a posé une question à l'Assemblée sur les chemtrails. Donc c'est chemtrails. Mais ouais, c'est ça. Ok. Moi, il se passe pas une semaine sans qu'on me parle, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai craqué, j'en ai parlé. Il y a une époque, il se passait pas une semaine sans qu'on me balance le lien de la révélation des pyramides pour me dire il faudrait que t'en parles parce que le monde devrait savoir. Et moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé bien ce documentaire. Mais il est bien ce documentaire, mais c'est une énorme manipulation. Ouais, c'est ce que j'ai compris après. C'est, quoi. Dans la structure de ce documentaire, en fait, reprend la structure du mythe unique de Joseph Campbell. Qui est la structure, en fait, qui est la structure qu'on trouve dans Star Wars, qui est la structure qu'on trouve dans toutes les grandes histoires, dans Avatar, ça, c'est la structure vraiment du mythe unique. Mmh. Et parce que si tu réfléchis bien, ce documentaire, en fait, c'est une personne qui est censée être la narratrice. Mais en vrai, cette personne, c'est une comédienne. Parce qu'on nous présente ça comme un documentaire, c'est pas du tout un documentaire. Ouais. Qui se retrouve devant les pyramides. Et là, elle se rend compte de quelque chose. Et il y a l'appel à l'aventure, c'est l'étape 2. Elle va avoir besoin d'un mentor. C'est l'homme mystère qui lui dit allez voir les gens, montrez-leur ces chiffres, etc. Alors qu'en fait, l'homme mystère en question, c'est le mec qui réalise le documentaire. Je veux dire, tout est monté pour qu'on s'identifie complètement à ce personnage et qu'on la suive dans ces trucs-là. Mais avec une masse d'absurdités, de trucs qu'on nous présente comme des coïncidences, je ne crois pas. Et alors que tout ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, moi je me rappelle, qui est aussi dans ce mythique de dire, il ne nous laisse pas faire l'expérience qui prouvera tout. Mais oui, mais moi j'adore, à un moment donné, j'en avais marre parce que je discutais sur, je sais plus sur quoi, sur quel truc j'étais, où je discutais avec des gens qui étaient vraiment des purs complotistes et compagnie. Je dis maintenant, mettez-vous un truc en tête. Quand vous voyez une vidéo sur YouTube qui fait 3 millions de vues, et dont les premières images sont la vidéo. Voici la vidéo que tous les gouvernements du monde entier souhaitent cacher. Non, je veux dire, si une vidéo est sur YouTube, c'est très facile de l'enlever quand on a un gouvernement. Ouais. C'est très facile. Voire même si on n'est pas un gouvernement. Je veux dire, c'est pas Wikileaks YouTube. Hein. YouTube, c'est Google. Google, c'est Patriot Act. Hein. Il suffit d'appeler en disant vous virez ça tout de suite. Et je suis sûr que ça a déjà été fait, sans doute. Mais je veux dire, cette vidéo-là, une vidéo qui fait 3 millions de vues, qui vous dit voilà la vidéo que tout le monde veut vous cacher, il faut arrêter de croire que vous allez être un privilégié qui sait la vérité. Non. C'est voilà. Et moi, j'ai décidé qu'à un moment donné, j'allais me poser la question, et ce sera vraisemblablement dans un quickie, d'essayer d'expliquer ce que c'est la logique complotiste. Comment est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui est complotiste, qui est dans ces idées-là ? C'est-à-dire que quand on avance un argument, quel que soit l'argument, c'est un argument qui va dans son sens. Et c'est assez déstabilisant de discuter dans ces conditions. Et Alexandre, justement, qui était venu nous parler, donc lui a fait une grosse étude et compagnie, il est allé à des conventions, entre guillemets, sur ces sujets-là, pour vraiment les voir parler, les voir argumenter, parler avec eux, et c'est vrai que c'est des choses qui sont pas simples du tout. Mais aussi, à la tête de ces gens-là, enfin, je vais pas refaire ce genre d'émission, t'as des gens qui, sciemment, savent qu'ils disent n'importe quoi et sont malhonnêtes, quoi. Il n'y a pas que des gens qui y croient sincèrement. Ah non, il y a des doudingues, il y a des gens malhonnêtes, mais de toute façon, dans cette chaîne, entre le moment où il y a un type qui a une hypothèse sur les pyramides et le moment où le documentaire sort, enfin le pseudo-documentaire sort, il y a nécessairement quelqu'un de malhonnête dans la ligne. Ouais. Pas tous, nécessairement pas tous, il y en a beaucoup qui y croient. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui y croient. Mais tu te rends pas compte, il y a des pyramides partout sur la même ligne. T'as essayé de la tracer cette ligne sur un planisphère, c'est pas du tout une ligne. Hein. Ouais, mais bon, tu te rends pas compte. Et moi, il y avait un truc qui m'avait fasciné, c'était quand le gars explique qu'on retrouve pi et le nombre d'or partout. Dans la dimension de Pi, dans les dimensions de la pyramide. Non, mais de manière générale. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il retrouve la vitesse de la lumière en mètres par seconde, en moins, alors que la pyramide a été construite avant qu'on sache ce que c'est que le mètre ou la seconde. Et en coudé et en machin. Mais il le justifie, hein. Sur le nombre d'or, on ne citera jamais un de tes collègues youtubeurs aussi, LGJ, qui a un blog et qui a fait un article de blog où il t'explique toutes les propriétés merveilleuses du nombre d'or pour finir en disant qu'en fait, il parlait de racine de 2. Mais oui. En mettant des beaux dessins avec les ratios, etc. Il y a un truc qui était génial. C'était une pétition qu'il y avait eu sur Internet il y a quelques années, aux États-Unis, sur le fait vraiment de réduire au maximum l'utilisation d'hydrure d'oxygène, parce qu'on le trouvait dans les cellules cancéreuses, on le trouvait maintenant dans les ruisseaux, on le trouvait dans les fleuves, on le trouvait jusque dans nos plomberies, on en trouvait en grande quantité dans les êtres humains, et que c'était une catastrophe, voilà, on en trouve partout, et que dans toutes les maladies on en trouve, et en fait le truc d'hydrure d'oxygène, c'est H2O, c'était de l'eau, et il y a eu, je crois, mais 350 000 signatures des gens qui ont fait des manifs dans la rue pour dire qu'il faut supprimer ça, des personnalités publiques, genre des élus là-bas, des élus locaux qui disent oui, mais on adresse le problème, moi je vais aller au congrès, je vais leur dire qu'il faut faire quelque chose. Voilà, c'est et ça me rappelle cette histoire de je sais plus à quel justement congressman on avait posé, un journaliste avait posé cette question, il dit qu'est-ce que vous pensez du dossier Fredonia, et il dit vous inquiétez pas, on est sur le dossier, on s'en occupe. Et Fredonia, c'était un pays imaginaire dans un film des Marx Brothers, quoi. Mais voilà, c'est à un moment donné, il y a aussi ce problème-là. Ouais, c'est de ne pas savoir dire, je ne sais pas, en fait. Quoi. On n'a plus le droit d'être ignorant. Ouais. D'être ignorant. Ça, c'est un vrai problème. Alors là-dessus, sur toutes ces histoires, justement, d'ignorants et de communication, tu penses quoi de la qualité de la communication scientifique en général, et puis éventuellement en France en particulier? Alors, c'est difficile parce que... Alors, là, je parle plus de la communication éventuellement institutionnelle que tout ce qui se fait au niveau amateur. Le vrai gros truc, les publications, les découvertes, etc. Ouais, même au niveau communication, c'est-à-dire ce qui se fait à la télé, à la radio, dans les magazines, enfin tout ce qui n'est pas fait par des amateurs comme toi, comme nous, depuis leur chambre, quoi. À la télé, j'accroche pas tellement. À la télé, on s'occupe pas de science. À la télé, on part du principe que le spectateur est idiot et qu'il comprendra pas. Donc à la télé, on supporte un Michel Chevalet, on supporte un Jérôme Bonaldi, mais en gros, ça s'arrête là. Voilà, sinon c'est des émissions pour enfants, c'est des on n'est pas que des cobayes. Voilà, mais surtout, faut surtout pas qu'on explique trop, faut qu'on montre des explosions, faut qu'on montre qu'on fait de la mousse, faut qu'on montre qu'on fait des choses. Voilà, donc moi ça me gonfle un peu, mais c'est pas pour taper sur la télé, parce que je regarde aussi la télé, mais il y a ce problème là. Après, je trouve que la communauté scientifique, même si ça change, ça évolue beaucoup depuis quelques années, la communauté scientifique s'est pas tellement souciée de communiquer avec le reste du monde pendant pas mal de décennies. Mais alors ça, est-ce que c'est pas justement, c'est pour ça qu'on précisait en France, que c'est pas très français, parce que c'est sans doute très français. Dans les pays anglophones, t'as beaucoup de bouquins de vulgarisation faits par des très grands scientifiques. Tout à fait. Et plus qu'en France, justement. C'est sans doute très français. Moi, je vois ça avec l'œil ton du mec français qui voit juste ce qui se passe, comment moi je l'ai vécu aussi. Mais parce que c'était ça, quoi. C'était vraiment. On va pas commencer à perdre notre temps à expliquer, vous inquiétez pas, on gère. Il y avait un peu ce côté-là. On fait nos trucs, on fait nos recherches, on gère. Et puis, en plus, c'est probablement lié à plein d'histoires politiques sur l'indépendance des universités avec l'industrie, sur la recherche qui est financée par le public ou par le privé. Il y a tout un tas de merdiers là-dedans. Sur les applications qui peuvent choquer, voilà. Ou des choses comme ça. Ouais. À un moment donné, il y avait une vraie fierté en France de dire on a fait des découvertes, on ne les brevette pas et on ne gagnera pas d'argent avec. Parce qu'on est comme ça. C'est un peu toujours le cas. Hein. Non, mais voilà, c'est un moment donné, je trouvais ça. Moi, j'étais fasciné par cette histoire du gars, je crois, Moreno, celui qui a inventé la carte à puce. Donc là, pour le coup, c'est pas ultra scientifique, c'est plus une invention. Quoi. Il a inventé la carte à puce, c'était génial. Personne ne l'a utilisé avant que ça devienne. Enfin, en dehors de la France, tous les autres pays ont attendu que ça tombe dans le domaine public. Ouais. Parce qu'on ne sait pas vendre en France ces trucs-là. On a des vrais problèmes. Le Rafale, aujourd'hui, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui le Rafale, mais quand le Rafale est sorti, c'était un engin révolutionnaire. C'était un appareil de fou furieux. On n'est pas foutu d'en vendre, quoi. Je veux dire, on a un vrai problème qui est sans doute politique autour de ça. Je sais pas. Pour le coup, j'ai vraiment pas le début du commencement d'une réponse à ce sujet-là. Mais. Je sais qu'à côté de ça, on a des esprits qui sont brillants en France. On a notamment des mathématiciens qui sont des pointures mondiales. Je pense il y a le célèbre et très médiatique Cédric Villani. Je peux t'interrompre, on a une question justement. Est-ce que tu l'as rencontré? Non. Qu'à faire pour commencer? Non, très bien. Non, première question répondue. Pour l'instant, j'ai pas eu cette occasion/cette chance. très très sympa. Enfin, il... Mais je pense qu'il est très sympa. En vrai, il est très... Il est très... Oui, ça va. Il te tutoie en deux secondes et tu sens qu'il te reconnaîtra la prochaine fois. Enfin, il est normal à peu près, quoi, dans son rapport humain. Oui, mais c'est ça. C'est un peu ce que je me dis. Moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui me gonfle, c'est qu'à la télé, on nous le présente toujours comme le gars qui a le brushing des chemises à jabot et une broche araignée. Ah, il le cherche un peu. Oui, non, ouais, mais... ça, il le veut. Ça, il le mais est-ce qu'il n'est pas débile bien sûr que oui. Mais ce qui se passe, c'est que c'est autre chose que ça. C'est comme, moi, je veux dire, pardon, et j'espère que je vais choquer personne, mais Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est un mec qui est brillant. Mais c'est un mec qui, si aujourd'hui il marchait sur ses deux jambes, on le trouverait nettement moins brillant. Il y a beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire que, attention, je veux rien enlever au fait, qu'on soit clair, j'en enlève rien à ses travaux, je parle juste de la perception que le grand public se fait de lui. Et moi, je trouve ça dommage. J'aimerais que les gens aient justement suffisamment de contexte pour pouvoir apprécier ce qu'il fait indépendamment du personnage qu'il pense qu'il est. Parce que Stephen Hawking, c'est quelqu'un, quoi. C'est pas juste un type qui, maintenant, apparaît dans les Simpsons et une voix de robot et a compris l'univers. C'est un type qui a aussi dit des conneries. C'est un type qui, à un moment donné, dit le voyage dans le temps, c'est pas possible, parce que si c'était possible, on aurait croisé des voyageurs du temps. C'est pas mal comme argument. Bah non, mais ça suffit pas. Oui, non, ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai plein de contre-arguments. Qu'est-ce qui se passe si on invente une machine à voyager dans le temps dans 200 ans et qu'il se trouve qu'on ne peut voyager qu'à partir du moment où cette machine existe? Oui. Bah voilà. Bah du coup, il y aura pas de voyage dans le temps avant. Et pourtant, on pourra voyager dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe si dans 60 000 ans, on invente la machine à voyager dans le temps? Peut-être que les gens n'en auront rien à foutre du 21e siècle. Parce que probablement que ce ne sera pas un truc de touriste où des milliards de gens pourront se balader. Probablement qu'il y aura très peu de gens qui voyageront. Et puis, même si, à côté de ça, je suis le premier à dire que vraisemblablement, voyager dans le passé, c'est impossible. Mais c'est assez mal barré, ouais, pour d'autres arguments aussi. Moi, je me rappelle, j'avais vu un documentaire de Stephen Hawking, donc présenté par Stephen Hawking. Donc, je ne sais pas s'il a écrit ou pas, mais en tout cas, le fait est qu'il cautionnait le truc. Où, à la fin, il dit: et puisqu'il n'y a pas de raison particulière pour que ça arrive, qu'en gros je sais plus de quoi il parlait, il disait que ça c'était le hasard, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas. J'ai dit, mec, mais de quoi tu parles? Ouais. Et voilà, donc moi, et donc ça. De toute façon, quand un scientifique commence à mettre Dieu dans une phrase, souvent c'est mal barré. Voilà, et ça m'embête qu'on. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a voulu médiatiser le truc, je pense que c'est devenu un personnage. Et j'aimerais qu'on se rappelle de ce qu'il a fait, quoi, de ses travaux, parce que ses travaux sont pas du tout inintéressants. Et alors, t'as des idées de ce qu'on pourrait faire pour changer ça, justement? Il y a plein de choses. Moi, je pense déjà qu'il y a... J'essaye d'avoir... Parce qu'il y a plein d'idées qu'on peut avoir, et des idées qui sont utopiques, d'autres qui sont dingues. Genre... Moi, il y a un truc déjà, je pense, une petite idée qui serait pas grand-chose, maintenant, ce serait probablement très compliqué à mettre en place. C'est déjà, je pense qu'il faut enseigner l'histoire des sciences. Je pense qu'on comprend beaucoup mieux la relativité quand on suit la pensée des mecs qui se sont succédés, qu'on voit les questions qui se sont posées et comment ils y ont répondu. Je vais le dire tout à fait honnêtement, je n'avais pas vraiment compris la relativité restreinte avant de faire l'épisode, l'introduction à la relativité restreinte. C'est en le faisant, je me suis rendu compte, je pensais que je savais, mais en fait, ah non, putain, mais ok, waouh. Et voilà, et c'est expliqué, contextualisé. Les choses ne tombent pas de nulle part. Ouais, de justement éviter l'effet Riemann dont tu parlais dans un épisode sur... C'est ça, sur Turing. Sur Turing, ouais. Où effectivement, dans Imitation Game, on a tendance un peu à le présenter comme... mais comme tous les génies dans les films, maintenant, on les présente comme Riemann, quoi. Non, les mecs, ça ne tombe pas de nulle part. Mais comme quand on va faire un film sur Mozart ou sur je sais pas quel artiste, genre le mec, c'est inné chez lui. On le met devant un instrument et ça y est, le mec sait jouer. Non, c'est des années de boulot. Bon, et pour finir sur ces histoires de communication scientifique, donc là, tu as une chaîne qui mine de rien, fait aimer les sciences à beaucoup de gens qui, comme tu disais, savaient pas forcément qu'ils l'aimeraient, etc. Enfin, moi, je vois en effet des vidéos partagées, tu imaginerais pas forcément qu'ils allaient te partager un truc sur la relativité restreinte. Est-ce que 230 000 vues sur la flèche du temps. Je pense que c'est, pour moi, c'est encore plus marquant sur la relativité, en fait, que la flèche du temps. La flèche du temps, le temps, ça intéresse les gens. La relativité, de base, je pense que c'est un peu comme les maths. Ils se disent c'est compliqué, mais c'est un avis personnel. Et du coup, est-ce que tu penses pas que ce boulot-là que tu fais, c'est pas le boulot que devraient faire les instituts, les organisations scientifiques? Je sais pas si c'est leur rôle. Je pense qu'ils pourraient, effectivement, je pense que ce serait bien qu'il y ait des gens. Mais que fait Étienne Klein? Je pense que ce serait bien qu'effectivement qu'il y ait des pointures scientifiques, ce que fait Hubert Reeves. Alors il le fait en français, même s'il n'est pas français, mais bon, il le fait en français. J'aimerais bien qu'effectivement il y ait des pointures qui savent de quoi il parle. Et où il n'y a pas de contre-argument, il n'y a pas de « mais attends, montre-moi tes diplômes avant de parler, parce que qui tu es, etc. » Parce que ça, je sais que moi, ce que je fais, j'ai toute légitimité pour le faire sur YouTube, j'aurais aucune légitimité à le faire à la télé. À la télé, je serais un présentateur. J'ai aucune légitimité scientifique là-dessus. Donc d'avoir des gens qui ont vraiment où c'est leur vie. Je veux dire, les gens, ils ont passé 30 ans dedans, ouais. Ils savent ce que c'est. Et qui, à côté de ça, mais c'est la difficulté, c'est qu'il faut trouver des gens qui sont suffisamment pointus dans le domaine et suffisamment communicants pour être capable de faire aimer ça. C'est vraiment des Carl Sagan, il n'y en a pas mille. En français aussi, je pense à un qu'on va peut-être interviewer en plus. Alors, c'est Jean-Pierre Luminet qui, je trouve, communique très très bien. Alors, je ne sais pas s'il le fait beaucoup à l'oral, mais en tout cas, dans ses bouquins, il le fait très très bien. Quoi. Oui, c'est vrai que le problème en France, c'est, je pense que contrairement aux États-Unis, c'est que c'est difficilement attendu de toi, en fait, quand tu es chercheur, que tu fasses ça. C'est pas... Et c'est vrai que tous les gens que tu as cités, Étienne Klein, etc., ils le font... en plus de leur recherche, mais c'est pas quelque chose qui est attendu d'eux. C'est pas sur ça qu'ils ont été recrutés, par exemple. C'est pire que c'est pas attendu. Pour la plupart, ce qu'ils disent, c'est que c'est plutôt mal vu. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'à partir du moment où ils font ça et ils bossent pas, ils sont moins sérieux, etc. Quoi. Bon, le dites pas, mais là, je suis censé être au boulot, moi. Mais... Enfin, je suis au boulot, d'ailleurs. Oui, parce que donc tu es à Baltimore et qu'il est autour de minuit. Il est une heure là ou une heure et demie? Il est 4h30 là. 4h30. De l'après-midi. Enfin, il est 4h15 en fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un quart d'heure de décalage. C'est ça. C'est en général des heures pile. Ok, juste avant les questions d'auditeurs, est-ce que tu as un conseil à donner à un des jeunes youtubeurs qui voudraient se lancer? Des trucs à éviter, des choses à faire, des choses que tu aurais fait autrement, toi, si tu te lançais aujourd'hui? Ouais, moi, les conseils. À part la lumière et le son, c'est un enfer? Le son, non. La lumière, on s'en fout. Mais très sincèrement, si tu regardes les premiers épisodes de What the Cut, aujourd'hui, chez Antoine Daniel, en moins de 3 ans, il est quasiment à 2 millions d'abonnés. Les premiers épisodes sont tournés dans le noir. Ah oui, d'accord. Non, c'est le son. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui est dit. Le son, c'est très important. Une fois qu'il y a ça, c'est au moins au début, il faut être constant. Vous faites une vidéo, puis vous faites une autre vidéo, puis vous faites une autre vidéo, puis vous faites une autre vidéo, etc. Et peut-être un petit conseil matériel, du coup, en son? Franchement, on s'en fout. Ce qui marchera, ça marchera. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec un iPhone. S'ils sont dans une pièce suffisamment silencieuse, ça marche très bien. Il y a d'autres, ils leur font un micro canon cardioïde, etc., qui doit être à 4 cm de leur bouche parce qu'il y a tellement le bordel autour. Genre là, ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit audible, que ce soit compréhensible. Moi, re-regarder mon premier épisode, passer le micro-trottoir, j'enregistre avec le micro direct de la caméra, c'est dégueulasse. Mais bon, on entend, on arrive à suivre. Donc ouais, ça va. C'est ça, on arrive à suivre. Et voilà, soyez constants. Et voilà, la première vidéo, elle fera 3 vues, la deuxième, elle fera 14 vues. La troisième, elle fera 14 vues aussi. Et à partir d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui regardent et que vous ne connaissez pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il ne faut rien lâcher. Et puis, un truc que tu disais sur tes vidéos, que tu disais, je crois, dans une FAQ, je pense, et qui est important aussi, c'est que pas oublier, surtout en science, qu'on a un vrai effet longue traîne où des vidéos faites à un temps T peuvent être écoutées beaucoup plus tard. Oui. Et du coup, c'est jamais perdu, même si elles avaient 10 vues la première semaine, ça peut durer, quoi. Ah, mais bien sûr, moi, toutes mes vidéos continuent de monter. Celles qui montent moins, c'est les vidéos sur les élections européennes et les élections municipales, parce que c'est pas du tout le sujet, et parce que déjà, dans l'absolu, c'est chiant. Et puis parce que dans l'absolu, c'est temporel, pour le coup. Oui, mais je suis à peu près sûr qu'aux prochaines élections européennes, aux prochaines élections municipales, elles vont reprendre un petit peu. Mais à côté de ça, en plus, c'est des sujets qui sont chiants. C'est-à-dire que c'est pas des sujets... C'est-à-dire, dans l'absolu, on peut considérer, par exemple, que la relativité, c'est chiant, et découvrir que finalement, c'est intéressant. Bon, ben, les élections européennes, c'est chiant et ça reste chiant. Ça touche à plein de sujets qui sont passionnants sur comment fonctionnent les institutions européennes, tout ça. Mais se poser cette question de comment ça fonctionne, c'est chiant. Genre moi, pour cet épisode, je me suis quand même payé le traité de Rome. Genre, précisément le traité consolidé de l'Union européenne. Genre, c'est une tannée. Ce genre de document qui est un plaisir à lire entre 3h et 5h du matin. Mais c'est une catastrophe. C'est horrible. Genre moi, je déconne pas quand à la fin je me sors une aspirine. C'est parce que j'en ai pris de l'aspirine quand je prépare celui-là. Celui-là, pour le coup, il y a eu des heures de recherche, quoi. Genre, voilà. Mais surtout, le conseil, c'est votre client type. C'est-à-dire que votre cible, c'est vous-même. Faites la vidéo que vous voulez voir. Ok. Après, voilà, bon, si vous voulez être le énième mec à faire des vidéos de Minecraft sans rien apporter de particulier et sans avoir un ton particulier. Non, parce qu'on peut, tout à fait être le prochain Squeezie, machin, j'ai aucun problème avec ça. Squeezie est très très bon à ce qu'il fait. Genre, moi, je suis pas fanat de ce genre-là. Mais dans ce genre, il est très bon. Squeezie, il arrive à trouver des jeux, tu ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc à partir de là. Moi, j'ai vu une vidéo de lui récemment, une vidéo qui n'est pas très récente d'ailleurs, je crois, où c'est un jeu où il traverse des pièces. Les gens, ils traversent genre 10 000 pièces. Voilà, il a réussi à me tenir. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Parce que la vidéo s'était lancée automatiquement après une autre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai regardé jusqu'au bout. Le mec, il fait de la radio, quoi. Je me suis dit, le mec, c'est intéressant. Après, voilà, le gaming, c'est pas ma cam, mais il y a beaucoup de gens dont c'est la cam, c'est tout à fait respectable. Mais si c'est juste pour dire, ouais, regardez, là, je suis en train de construire une maison, j'utilise de la pierre de je sais pas quoi avec du diamant de bidule, je veux dire, non, il faut que ce soit intéressant. Faut que vous racontiez quelque chose, faut qu'il se passe quelque chose. Mais donc, si vous le faites, faites-le bien. Bon, on va passer enfin aux questions d'auditeurs. Alors, on en a une pelletée. J'ai le droit, j'ai le droit de passer en priorité parce que je suis pas un auditeur lambda. Alors, tout ça, genre. Juste une toute petite parenthèse sur ce point-là que je viens sur les conseils. Voilà. Et si vous voulez faire des vidéos YouTube pour gagner masse d'argent, trouvez autre chose. Voilà. Passez votre chemin. Faut faire des vidéos YouTube parce que vous avez envie de faire des vidéos YouTube, vous avez envie de partager des choses. Parce que la pluie de billets, c'est un fantasme. Ou alors, appelez votre vidéo comment gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Voilà. Ouais, et mettez une image de femme nue d'ailleurs aussi, c'est important. Après, la vidéo sera strikée en. Ouais, non, juste quand tu dis faites ce que vous avez envie de voir, je trouve que, ouais, je pense que ça va nous parler à nous parce que j'ai l'impression que Podcast Science, c'est un peu on fait la radio qu'on a envie d'entendre. Et puis, je pense qu'il y a un truc qui fait que ça marche a priori mieux que les choses qui passent à la télé ou à la radio officielle, c'est qu'on prend le temps qu'on veut et donc le temps qu'on juge nous nécessaire. Et ça, c'est un truc, un luxe énorme. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur l'histoire des sciences. Je trouve que ça peut être très intéressant. Je trouve que c'est un peu trop souvent dans le discours le truc où les gens disent c'est comme ça qu'il faut faire. Et je suis persuadé qu'il y a plein de sujets où c'est pas du tout adapté. Et il y a plein de sujets où c'est adapté, hein, mais il y a plein de sujets où c'est pas du tout adapté. Je pense qu'il faut faire gaffe de pas voir ça comme une obligation, disons. Mais a priori, j'ai vu des vidéos où tu parles pas du tout d'histoire de sciences pour introduire un truc. Donc je pense que tu en es d'accord, mais c'est juste. Oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Et moi, et perso, je pense que les programmes scolaires, après, c'est pas du tout mon métier, donc là, on est loin de mes compétences, mais je pense que les programmes scolaires devraient avoir une certaine souplesse, que probablement ils ont déjà d'ailleurs, pour que les enseignants puissent adapter, au moins en partie, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un tronc commun, et qu'ils puissent adapter le programme aux élèves qu'ils ont en face aussi. Et à leur propre goût, d'ailleurs. Et à leur propre goût, peut-être un peu moins, mais également aussi, ouais, sans doute. Mais ça, je pense que ça se fait de fait. Je pense qu'un prof d'histoire qui est passionné par Napoléon et qui n'en a rien à faire de la Révolution française, je pense que ça se sent quand il en parle. Ouais. Et inversement, celui qui n'aime que Napoléon. Bon, donc je disais, on a une pelletée de questions d'auditeurs. On va tâcher d'aller assez vite. Je fais des réponses Twitter. Ouais, à peu près, sauf si tu as un truc qui te tient vraiment beaucoup à cœur. Ouais. Et je vais faire le tri aussi au passage parce qu'il y en a certaines où tu as soit déjà répondu dans des FAQ, donc ça invitera les gens à aller voir, soit parce que c'est pas vraiment des questions en fait. Alors, on a une question, ça j'avoue ne pas comprendre. Est-ce que tu peux mettre tes anciennes musiques de tes vidéos disponibles ? Alors non, je ne peux pas. Parce que, alors, ce qui se passe, c'est donc il y a eu trois étapes musicales sur Y Penser. Il y a eu la toute première étape où c'était les musiques de Stéphane Balkossian. Et ça, c'est vraiment les premiers épisodes, on va dire, jusqu'au 20-21e. Et jusqu'à très récemment, jusqu'aux deux derniers, avec la musique du générique de fin, c'était Stéphane Balkossian. Ces musiques, et là, pour le coup, moi je ne les mettrai pas à disposition sans m'être mis d'accord avec lui là-dessus. Et en plus, c'est pas spécialement l'objet, je suis pas tellement de cette génération-là qui a besoin que tout soit absolument disponible dans le cloud. Partout. Voilà. Ensuite, il y a eu la deuxième étape, c'est les musiques que moi je mettais en attendant justement que les musiques de grande table prod soient prêtes. Donc ça, c'est pour la plupart, c'était des boucles Apple que j'ai retouchées ou pas, ou certaines. Là, par exemple, le générique des Quickies, c'est moi qui l'ai fait avec un synthé, quoi. Voilà. Donc ça, pareil, ça a pas vocation à se retrouver en ligne. Pour le coup, parce que ce ne sont pas des produits finis en fait, ce sont des choses qui sont faites un peu comme ça, qui sont faites qui ne peuvent pas exister autrement que dans les vidéos. Ouais, c'est des boucles, c'est des voilà. Ouais. Et c'est fait pour les vidéos, ça n'a pas été pensé pour exister de façon autonome. Je veux dire, c'est pas suffisamment travaillé. C'est quelqu'un qui veut mettre en sonnerie de portable ta musique, c'est pour ça. Mais très bien, mais je veux dire, et s'il peut se débrouiller autrement et que je le sais pas, c'est très bien aussi, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que la musique qu'il y a maintenant, ça a été fait avec une jeune boîte de prod où eux, ils veulent que les musiques, ils sont ok pour que les musiques soient sur un SoundCloud. Ils font partie de cette génération. Comprennent que les gens vont avoir envie de les écouter ou peut-être de les télécharger. D'accord. Donc je dis voilà, il n'y a pas de problème. Mais les anciennes ne le seront pas. Ok. Dans la catégorie Bruce Rockstar, est-ce que tu as déjà envisagé de bosser avec Mathieu Inman, The Oatmeal, sur Tesla notamment ? Alors je suis désolé. En mode, est-ce que tu as imaginé de bosser avec un des plus grands, un des plus connus américains qui fait des webcomics ? Mais c'est terrible, je sais pas qui est Mathieu Inman. Bah c'est celui qui fait le blog The Oatmeal, qui en fait est une sorte de webcomic avec plein de dessins. Moi, je suis pas hyper fan, mais qui est ultra connu. Un truc qui va te parler, il a lancé un Kickstarter sur un jeu de cartes avec des chatons qui a explosé tous les records de Kickstarter. Là, t'as dû entendre parler de ce truc-là. Est-ce qu'il a explosé les records de la salade de pommes de terre? Mais c'est un vrai truc là. Et il a explosé le nombre de contributeurs sur Kickstarter. Je crois que c'est le plus grand jamais eu sur Kickstarter. Et au niveau fric, je crois qu'il a demandé 10 000 et il avait dû avoir 100 000 ou 1 million hyper rapidement, quoi. Donc non, t'avais pas imaginé vu que tu le connaissais pas. Non, en fait, c'est pas que je le connais pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, pour essayer de répondre à cette question, c'est que moi, je ne m'interdis aucune collaboration, aucune. Moi, j'aime bien bosser avec plein de gens. J'aime bien bosser avec plein de gens différents. J'aime bien rencontrer et discuter avec plein de gens. Je donne un exemple tout con, c'est voilà, il y a une semaine, j'ai passé un déjeuner à discuter avec Swagman. Je connais pas Swagman. Voilà, Swagman, c'est un rappeur. Je veux dire, c'est une star. D'accord. C'est une star du web. Chaque fois qu'il éternue, ça buzz. Je veux dire, c'est voilà, et c'est un type qui est tatoué de la tête aux pieds. C'est un type qu'on s'attendrait pas du tout à nous voir discuter ensemble. Pourtant, on a discuté très sympa. Moi, j'aime bien rencontrer des gens qui sont vraiment différents. J'aime bien rencontrer des gens aussi qui sont similaires. J'aime bien tout ça. Et en ce qui concerne maintenant des collabs, c'est moi, je peux faire des collabs avec n'importe qui dès lors que ça se justifie. D'accord. Question, est-ce que tu vas faire un épisode sur le saut en élastique? Sur le saut en élastique, c'est pas prévu. En revanche, il y a un sujet qui touche là. Parce que là, on va toucher au sujet de... notamment des oscillateurs, de la résonance, on peut toucher à ce genre de choses, mais du saut à l'élastique à proprement parler, non, c'est pas prévu. Surtout que c'est pas du tout mon genre d'ambiance en plus. Moi, j'ai le vertige, moi. C'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, je faisais de l'acrobatie aérienne, c'est aucun problème. Mais par contre, debout sur une table, je flippe. C'est bon. Ah, c'est comme ça. Et chacun ses trucs. Question très pertinente, est-il plus simple de se gratter la tête quand elle est rasée? T'es pas obligé de répondre. Hein. C'est ni plus simple ni plus compliqué, c'est autre chose. Mais en revanche, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on se rase la tête pour la première fois, c'est qu'on a des contacts justement avec la peau du crâne qu'on n'avait jamais eu avant, ou en tout cas qu'on a oublié. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend une douche, il y a les gouttes qui tombent directement sur la peau du crâne. C'est bizarre. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Est-ce qu'un jour on te verra expérimenter pour étayer ton propos? Oui, mais ce sera sans doute pour du hors-série, de l'épisode spécial, ce genre de choses. Parce que voilà, c'est moi, c'est dans mon studio, c'est pas franchement de matière à expérimenter. D'autant que, pour le coup, en français, je rappelle, Experiment Boy fait ça très, très, très bien. Voire même trop bien, il fait n'importe quoi, mais c'est très drôle. Il fait pas toujours. Et puis, non, puis ce qui se passe, non, mais moi, ce que j'adore, c'est, je me dis, mais à son âge comme à mon âge aujourd'hui, j'aurais pas le début des ressources mentales qu'il faut pour me dire tiens, je vais fabriquer maintenant avec des puces Arduino, des relais, des machins, je vais fabriquer un boîtier, en plus je vais me faire chier à le décorer, à mettre des LED, des trucs qui va me servir de détonateur pour quand je vais faire exploser des machins pour montrer. Mais c'est-à-dire que la complexité de ce qu'il fait, c'est hallucinant. Genre la vidéo qu'il a fait sur le gel laminaire, c'est juste dingue. Lui, dans 10 ans, il va faire flipper. Ok, une question là, je ne sais pas si ça va pouvoir être court, mais de peroxyde, tu penses quoi des Bogdanov? Alors, juste qu'on soit clair et net, je ne pense rien d'eux physiquement. Non, mais moi c'est un truc qui me gave à chaque fois qu'on les invite à la télé, si on parle de leur menton, moi je ne pense rien d'eux physiquement, je m'en fous de ce coup de voilà. Moi maintenant les Bogdanov, c'est un truc particulier qui est nostalgique chez moi, c'est-à-dire que moi quand j'étais gamin, il y avait tant X qui passait à la télé, ils m'ont fait aimer les sciences, ils m'ont fait aimer la science-fiction. C'est par eux que j'ai découvert la quatrième dimension. En tout cas, dans mon souvenir, ça se trouve, c'était pas du tout la même mission. Mais le sentiment que j'en ai, c'est que c'était ça. Et puis voilà, ils m'ont fait aimer tout ça. À côté de ça, je trouve qu'ils sont bons pour expliquer des choses qui ont été validées depuis longtemps. Donc, ils expliquent relativement bien ces choses. Ils trouvent toujours la bonne analogie. Voilà, quand ils vont... c'est-à-dire, eux, pour le coup, ça passe très bien quand ils vont à la télé. Ils disent, voilà, vous regardez dans ce verre d'eau, il y a autant d'atomes qu'il y a de gouttes d'eau dans tous les océans de la Terre. Voilà, c'est quelque chose qui peut parler aux gens, même si, à mon sens, ça ne suffit pas. Mais bon, voilà, je pense qu'ils vulgarisent très bien. Je ne suis pas fanat de leur théorie. D'accord. Mais de la même manière que je pourrais dire, par exemple, que Jean-Pierre Petit, c'est quelqu'un qui est brillant en ce qui concerne la mécanique des fluides, mais il y a certains autres sujets sur lesquels il faut pas trop discuter avec lui. Et là, je sens que ça va troller... Dès qu'on parle de JPP, ça troll. Du coup, une question de Jean-Seb Fort. Là, c'est plutôt de moi qui vais répondre. Dans le prochain épisode, est-ce que tu auras un t-shirt de Podcast Science? A priori, non, vu que tu n'en as pas. Mais je vais peut-être t'en faire envoyer un pour que t'en mettes un. Avec plaisir. Surtout qu'en t-shirt, je dois avouer que je me suis acheté le Sodium Batman en voyant ta vidéo.

peu bedonnant, et à chaque fois qu'il donnait un coup, il y avait tout l'écran où il y avait marqué un pot comme en bande dessinée ou des choses comme ça. Et série qui est intégralement et pour la première fois ressortie il y a quelques mois, enfin sortie il y a quelques mois en DVD, dans un collector avec la Batmobile en Hot Wheels. Oh yeah. Et ça, moi, je me mets de côté, je vais me la prendre. Et avec des effets spéciaux d'un chip, mais vous n'imaginez même pas. Avec un des meilleurs jokers de l'histoire. Bah, d'ailleurs, Link the Sun en avait parlé dans son point culture sur les jokers. Donc vous pourrez, il y aura beaucoup d'infos, vous pouvez aller voir là-dessus. Bon, après, dans les requêtes, est-ce que tu veux compte faire une preuve par vieux sur Simon Laplace, Pierre-Simon Laplace? Franchement, je ne sais pas quoi répondre, parce que ce qui se passe, c'est que en pratique, on peut faire des preuves par vieux sur quasiment n'importe quel scientifique. C'est à un moment donné, il faut vraiment faire des choix, quoi. C'est-à-dire que là, moi, j'aimerais bien, par exemple, typiquement, ça fait 6 mois que je me dis, j'aimerais bien faire la preuve par vieux sur une femme. J'aimerais bien commencer à parler un peu des femmes. Et spontanément, le nom qui vient, c'est Marie Curie, mais j'aimerais bien commencer par quelqu'un d'autre que Marie Curie. Donc, il y a Nightingale, il y a un certain nombre de noms qui viennent. Donc, je réfléchis, mais je sais que les preuves par vieux, voilà, la chaîne, maintenant, ça fait un an et demi qu'elle existe. Les preuves par vieux, en tout, il y en a eu 5 pour l'instant. Donc, c'est pas un format qui est ultra récurrent. Donc, je ne peux pas me permettre d'en faire 450. Donc, voilà. C'est la place, peut-être. Peut-être qu'il y aura sur la place. Bon, après, on a des demandes pour des épisodes plus longs, hein, ça confirme. Baby Bird parle du jeu d'énigmes Dr. Clayton où il y a un Bruce scientifique dedans. Et c'est ce jeu-là dont tu parlais, j'imagine. Mais c'est pas un Dr. Clayton. Clayton. Ah, c'est pas un Dr. Mais, ben... c'est un Dr. Clayton-like. Ouais, ça doit être ça, alors. En tout cas, moi, celui dont on m'avait parlé, c'est pas... Ah oui, non, pardon, c'est peut-être Dr. Clayton. Je veux dire, c'est pas un Dr. Layton. Non, Clayton, oui. Clayton. Voilà, c'est possible, oui. C'est pas le Dr. Layton, oui. C'est un genre de parodie, oui, mais c'est en mode, effectivement, il y a des mini-jeux, des énigmes, etc. Ouais, ça doit être ça. Alors, je fais en improvisation, parce que j'ai pas eu le temps de la lire en entier, une question de Nico... Il y a une question. Pardon, du coup, juste, j'ai pas eu la réponse à la question. Est-ce qu'il y a un lien avec toi dans ce Bruce-là? Oui, il y a un lien. C'est ce qu'on avait mis en image tout à l'heure. Le développeur m'avait contacté en me disant qu'il s'était autorisé à s'inspirer de moi pour faire ce personnage. Il y a un personnage il y a plusieurs personnages qui proposent des énigmes, et c'est un des personnages qui propose des énigmes. Qui ressemble un peu à moi, qui a un petit t-shirt bleu, un bouc, crâne rasé, voilà. Bon, donc Nico, dans le temps, j'ai eu le temps de lire. C'est un SAV sur un de tes épisodes. Il y a une question sur l'excitation d'un atome par un photon. Le bond d'un électron expliqué dans un des épisodes de tes épisodes, pourquoi le soleil chauffe sur la peau, ne pourrait-il pas expliquer une déformation de l'espace-temps ou l'apparition d'un trou de ver? Solide. Allez, go répondre en mode Twitter. Là. Non, mais tu peux dire. Non. C'est pas... Alors, faut être très très clair. Ce qui se passe, c'est que dans cet épisode, j'utilisais vraiment un modèle très très simple d'atomes, c'est-à-dire le modèle celui qu'on voit en fait à l'école, peut-être moins aujourd'hui, mais bon, celui qui ressemble en fait à un modèle planétaire, c'est-à-dire qu'avec un noyau qui a un ensemble de petites boules au milieu, et les électrons, c'est des boules qui tournent autour. La réalité est beaucoup plus complexe que ça, vu que la réalité, on ne comprend pas ce que c'est. Voilà, les équations nous disent que la réalité, ça peut être un espèce de truc flou, un espèce de truc qui vibre, dont on ne sait jamais précisément où il se trouve ou bien comment il se déplace. Donc du coup, c'est très difficile de répondre. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Maintenant, je ne vais pas commencer à parler de trous de ver quantique sans avoir déjà tous les préambules sur la mécanique quantique. Ok. Comme on est déjà à 2 heures d'émission, j'annonce, hein, je saute les demandes sur des sujets de nouvelles émissions pour Bruce, ne serait-ce que pour pas allonger ta to-do list à l'infini. Ouais. Mais sinon, on lui passera après. Ouais, on pourra éventuellement te les faire suivre. Par contre, donc d'autres questions, où c'est qu'on peut te rencontrer physiquement? Physiquement? De façon Non, mais ils disent dans des salons ou te rencontrer ou te voir, il n'y a pas de... Alors voilà, ce qui se passe, c'est que maintenant, de plus en plus, je commence maintenant à être sollicité pour des conventions, des choses comme ça, par exemple. Et En général, je sais pas toujours à l'avance vraiment, mais je vais essayer d'organiser ça pour que ce soit un peu plus propre, parce qu'en général, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Paris Manga, j'ai pu le décider la veille, quoi. Donc, c'est des choses qui s'organisent de plus en plus, et clairement, ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur endroit pour savoir si je vais me rendre à une convention ou à une conférence ou un salon ou un truc comme ça, c'est Twitter. J'essaye d'annoncer aussi sur Facebook, c'est clairement pas sur YouTube, puisque YouTube c'est vraiment les épisodes, mais sur Facebook un petit peu, sur Twitter vraiment, c'est là où je peux annoncer, au fait, demain je suis à tel endroit, au fait, après-demain je vais aller à Geekopolis ou à machin, ou à Bidule, ou à Montreux pour la Polymanga, ou je ne sais pas. Ou à Japan Expo, ce genre de choses. Mais sinon, on peut me croiser, sinon c'est compliqué, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres, pour les YouTubeurs, il n'y a pas vraiment d'autres lieux de rencontre, et puis aujourd'hui, c'est devenu trop gros pour que je puisse dire, venez, on se donne rendez-vous dans tel bar. Allez. Si je peux le faire en province, si tu peux t'amuser à le faire dans un bar qui est complètement vide où il n'y a plus personne pour leur faire leur crise cardiaque de leur vie. Ouais. Mais faut que je peux, mais à Paris, voilà, parce que sinon je peux le faire en province. Je sais qu'à Strasbourg je peux le faire et ça va pas rameuter 4000 personnes, quoi. Mais voilà, à Paris je prendrai pas le risque d'aller dans le troquet en bas de chez moi et dire voilà, on se retrouve là les gars. Je peux pas. Ça donnerait peut-être rien, mais si pour peu qu'il y ait 40 personnes qui débarquent, je veux dire, c'est ingérable, quoi. Une question au vu de ce que tu nous racontais sur ton public qui je pense va tenir un peu à cœur, de Captain Jérém qui dit « Le niveau de physique théorique et des mathématiques impliquées n'est-il vraiment accessible qu'à un petit nombre de personnes, ou un étudiant motivé peut-il devenir chercheur dans ce domaine ?» Alors, je ne sais pas si un étudiant motivé peut devenir chercheur, c'est-à-dire un chercheur qui a vraiment le titre de chercheur, qui intègre une équipe de chercheurs, qui peut toucher des subventions au titre de la recherche, ça je ne sais pas. Maintenant, n'importe qui est suffisamment motivé peut aller creuser n'importe quelle question. Ce qu'il faut, c'est pas brûler les étapes. C'est tout. Aujourd'hui, même si vous avez un parcours littéraire, philo, etc., que vous vous dites, j'ai envie de m'intéresser aux maths, il n'y a strictement rien qui vous empêche de reprendre les bases et de creuser et d'arriver à un niveau de fou. Et en particulier, tu conseillais dans une vidéo les cours de Feynman. Ouais. Qui, là, pour se mettre justement dans le gras, sont très bien. Et alors, mais par contre, il faut vraiment le faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord mécanique, ensuite électromagnétisme et ensuite mécanique quantique. Il ne faut pas se dire, je vais commencer par mécanique quantique parce que c'est ça qui m'intéresse. Et il faut accepter le fait que ces bouquins, ce sont des vrais cours. C'est-à-dire que ça commencera des pâquerettes. C'est vachement bien parce que tout est clair, mais à un moment donné, ça devient invivable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un bouquin que vous pouvez lire aux toilettes ou que vous pouvez lire dans votre plumard. C'est un bouquin que vous lisez à un bureau avec des feuilles à côté, quoi, pour prendre des notes et pour vérifier ce que vous comprenez. Ok, alors là j'ai une question, je suis pas sûr de la comprendre, mais ça va être intéressant. Pourquoi à chaque fois qu'on parle d'une théorie pour réunir gravitation et quantique, tu oublies systématiquement la gravitation quantique à boucle ? Mais parce que, c'est pas systématiquement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'épisode sur le voyage dans le temps où j'en ai pas parlé. Et donc, depuis, ce qui se passe, c'est que régulièrement, il y a des gens qui découvrent cette vidéo et qui me parlent de cette théorie-là, donc la gravitation quantique à boucle. En fait, très sincèrement, c'est une théorie que je ne connais pas bien du tout. Voilà. Donc, il va falloir que je creuse ce sujet-là, puisque visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont très... Alors, très... c'est toujours le même qui redemande à chaque fois. Non, il y en a plein. Il y en a certains que je connais. Et qui sont très émus par le fait que je parle pas de la gravitation quantique à boucle, et qui me disent, mais attends, ça pourrait expliquer le voyage dans le temps et tout ça. Je dirais, peut-être, alors, ok, faudra que je fasse un update. Ok, mais je vais voir. je connais pas suffisamment bien ce sujet-là, voilà. On rappelle que Bruce, pour l'instant, fait ça sur son temps libre. Mais c'est pas grave, non, mais moi j'aime quand on me challenge comme ça. Sinon, on a une question d'LJJ à laquelle t'es pas obligé de répondre. Que penses-tu de ce jeune youtubeur de maths qui est LJJ ? Je le trouve très prometteur. Non, moi je le trouve à chier. Une question de Thomas Patrice. Et c'est gentil, si jamais tu remontes, tu ne couperas pas le rire pour qu'on comprenne bien que c'était une blague. Je verrai, ça dépend. Tu as déjà participé à un spectacle avec une troupe d'impro. Aspires-tu à faire à plus d'art dans ton travail dans le futur ? Il y en a qui sont allés creuser quand même, hein. Oui, alors effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais un pote qui est médecin et qui faisait de l'improvisation et qui, à un moment donné, m'avait proposé... En fait, sa troupe, c'est pas lui, c'était une membre de la troupe qui m'avait proposé de venir en guest pour faire de l'improvisation musicale avec eux. Et donc, c'était assez rigolo parce qu'on se retrouvait à faire des trucs, on demandait au public un thème. Donc là, en l'occurrence, celle qu'on peut trouver sur YouTube, c'était La Trahison de Melun. Donc le thème, c'était voilà, un sentiment et une ville. C'était La Trahison de Melun. Et il fallait improviser une chanson avec le clip. Donc il a fallu que moi j'improvise une musique, qui est un des membres de la troupe qui improvise une mélodie et des paroles qui riment sur cette musique qu'il ne connaissait pas puisque je l'improvisais. et pendant ce temps-là, le reste de la troupe improvisait le clip en fonction de ce qu'il racontait, que lui inventait au fur et à mesure sur la musique, donc que moi j'improvisais au fur et à mesure. Donc c'était un bordel sans nom, mais le fait est que ça rendait bien. Et voilà, moi je kiffe faire ce genre de choses. Voilà, donc pour répondre à la question, je kiffe faire ce genre de choses. Donc pourquoi pas si ça se présente, quoi. On peut me proposer, genre moi, il y a des trucs... moi je vais pas dire que je suis ouvert à tout, parce que là d'un coup ça va troller dans tous les sens, mais je veux dire, moi, typiquement quand on m'a proposé de faire... quand il y avait Hardis qui m'avait proposé de faire un petit rôle dans son court-métrage de Stanley Parable, j'ai dit ouais, bien sûr, avec plaisir et tout, c'est cool. Quand on m'a demandé ensuite de jouer un médecin dans C'est grave avec Fuji, donc c'est Fuji Xuguru qui réalisait, donc le papa de l'internet, j'ai dit putain, mais avec plaisir. Super Crayon, Mathieu Sommet, pareil, je veux dire voilà, c'est... Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien faire tous ces trucs-là. Ça ne veut pas dire que je vais en faire mon métier, que je vais devenir acteur. Mais voilà, j'aime bien. Ok. Bon, je fais vraiment le fil dans la question parce que ça commence à être assez long. Est-ce que tu as eu des retours de chercheurs sur tes vidéos ? Oui, quelques-uns. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là où c'est compliqué, c'est que c'est des mails que j'ai reçus directement. Je sais pas dans quelle mesure et s'ils sont publics ou pas. Je sais pas dans quelle mesure ils voudront pas. Peut-être sans citer les noms, c'est plus la tendance. Est-ce que tu avais des choses positives, négatives, les deux ? C'était plutôt positif globalement. En gros, c'est ce qu'on m'encourage dans ma voix. On peut m'expliquer que ce que je fais, c'est pas toujours nickel, que des fois c'est un petit peu trop approximatif, que je dis des trucs qui sont pas toujours super clairs, mais on m'encourage toujours sur cette voie. Après, là où moi je suis satisfait, c'est que je sais qu'il y en a un qui suite à la vidéo sur la flèche du temps, m'a dit que c'était épatant ce que je faisais et qu'il fallait que je continue dans cette voie. Et que voilà, que ce type-là, on va dire c'est un sujet qu'il maîtrise. On voit pas de quoi il parle. Voilà, donc moi j'étais très content. D'accord, donc voilà. T'as eu quand même des beaux retours. Quoi. Oui, oui. Une question, bon, je pense qu'on aurait pu la poser à n'importe qui, mais ça vaut le coup d'en parler. Est-ce que faire de la science est-il forcément synonyme de faire de l'anglais ? Non. Ah ouais ? Non, c'est pas du tout synonyme. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, il y avait cet exemple là, du gars indien qui avait découvert un livre de maths de CP et qui en avait déduit derrière toute la géométrie euclidienne, etc. Robin, le nom, je vais pas réussir à le prononcer. Ramanujan. Voilà, Ramanujan. Donc, ouais, a priori, c'est pas vraiment ça l'histoire, mais pourquoi pas. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est évidemment, parce que après, c'est devenu une légende urbaine ce truc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler anglais pour faire de la science. À un moment donné, il y a besoin de parler anglais pour pouvoir communiquer avec un maximum de gens qui font de la science. C'est-à-dire, il y a aussi ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une notion de c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. D'ailleurs, il faudra peut-être un jour que je fasse un truc là-dessus. C'est sur le fait que les scientifiques avancent ensemble. C'est qu'on parle souvent du génie qui fait sa découverte seul, mais on oublie très souvent les équipes qui font que... Et non seulement les équipes où il y a plusieurs personnes qui bossent dans une équipe, mais l'équipe de Dublin qui bosse avec l'équipe de Berlin, qui bosse avec l'équipe de New York, qui bosse avec l'équipe de Boston, et qui ensemble, mis bout à bout, ça permet d'aboutir à quelque chose. Donc il y a effectivement, c'est à un moment donné, faut pas oublier, voilà, Internet a été créé à l'époque pour les militaires et les scientifiques et les universitaires, voilà, pas que les scientifiques, les universitaires, pour les chercheurs universitaires, c'est pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Dans les questions qu'on doit toujours te poser, mais bon, il se trouve que c'est une question d'auditeur de Dexter, Bruce, est-ce qu'on va te retrouver à la télé bientôt ou est-ce que tu resteras fidèle au web? Alors, en tout état de cause, moi pour l'instant on m'a jamais rien proposé à la télé. Donc pour l'instant la question se pose pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que si un jour on me propose quelque chose à la télé, ce sera un deal breaker. Si on me dit qu'à un moment donné, dès lors que je fais de la télé, je ne fais plus de web, là pour le coup ce sera toujours de toute façon non. Je n'accepterai pas de faire de la télé si ça veut dire changer quoi que ce soit à y penser. Y penser, ça restera y penser. Le jour où j'arrêterai y penser, ce sera parce que ça s'arrêtera. Il y aura certainement une raison qui justifiera, mais en tout cas, ce sera pas parce que on m'aura proposé de faire autre chose. Voilà. Maintenant, ceci dit, qu'on soit clair, j'ai rien contre la télé. Si on me propose une émission à la télé sur France 4, sur France 5, sur Arte, j'en sais rien, mais un truc où j'ai la liberté éditoriale pour faire du y penser à la télé ou pour faire du programme court à 20h35 sur France 2, ce genre de choses, mais ce sera avec plaisir. Je ne rejette pas nécessairement la télé. Ok. Bon, je continue. Tu me dis si t'en as marre. Hein. Au pire, Non, vas-y. Attends, moi, je dors pas. On peut y aller. On peut partir pour 5 heures. Alors, que je retrouve où j'en étais du coup. Ah oui, si, question intéressante quand même. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue ? Ça commence. Ah. Ça commence. Pour l'instant, c'est à l'étape où c'est agréable. D'accord. Mais c'est bien parce que je sais que la marge avant que ça devienne désagréable. Ils te reconnaissent, ils te font des petites vannes, genre ils te disent Aristote. Non, alors la plupart en fait, ils osent pas. D'accord. Ils osent pas m'approcher. C'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi grand dans la vraie vie, en fait. Non, mais ce qui est dingue, c'est... L'autre jour, j'étais quand même à Paris Manga. Donc, je suis quand même dans une convention. Ouais. Je suis à côté du coin des youtubeurs. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un message tweet après pour me dire « Je t'ai croisé à Paris Manga, mais j'ai pas osé venir te dire bonjour. » Je dis « Mec, mais putain, si à Paris Manga, t'oses pas, il faut oser. » Je suis pas méchant, moi, je le dis, je suis pas méchant. Après, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Moi, c'était ce que m'expliquait Antoine. C'est Antoine, il disait voilà, mais moi, je préfère que les gens viennent me voir, discuter, on discute, c'est cool, plutôt que rester de loin à regarder fixement. Et après, ce qui se passe, c'est que si ça tombe à un mauvais moment, bah, je dirais bah, pardon, je suis désolé, mais c'est vraiment pas le bon moment. Et voilà, il faudra pas mal le prendre, quoi. Et fin de l'histoire. Mais voilà, donc ça commence à arriver. Mais et ce que je disais, c'est pour l'instant, je suis à l'étape où c'est agréable. Et l'étape à laquelle ça devient désagréable, elle est très très loin pour quelqu'un comme moi. C'est genre 1,5 million, 2 millions. Je veux dire, tu iras dans un autre pays. Non mais j'attendrai probablement jamais ces chiffres. Une autre question, ils sont marrants tes auditeurs. Ils sont là, très très bons. Je dis auditeurs, je suis trop habitué. Bruce, tu viens au Hellfest? Ouais. Non, je vais pas pouvoir. Que fais-tu en premier? Sur quel site vas-tu quand tu ouvres ton navigateur? Oh, putain, j'ai eu peur. Non. Alors. Aujourd'hui, le premier truc que je fais quand j'ouvre mon navigateur internet, parce que c'est ça la question, c'est mon navigateur internet. Ton navigateur internet, je pense. Aujourd'hui, c'est soit Facebook, soit Twitter, c'est le premier des deux que je tape. Voilà. Mais ça, c'est aujourd'hui. Parce que de fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'essaye de continuer de répondre à un maximum de messages. Donc, c'est le premier truc que je fais, c'est je regarde où ça en est, genre combien j'en ai en retard. Donc, c'est soit Facebook, Twitter, YouTube, soit Twitter, Facebook, YouTube. En général, c'est voilà. Mais je commence par Facebook ou Twitter parce que c'est. Je pense d'ailleurs que je commence en général par Twitter parce que c'est celui où tu peux rattraper le retard le plus rapidement possible. Et parce que de toute façon, si tu le rattrapes pas immédiatement, il s'accumule. C'est ça. Il y avait une question sur le fait que tu étais architecte logiciel et qu'il y a une vidéo où tu disais que c'était important d'acheter des licences quand on pouvait. C'est quoi ta position sur le logiciel libre, il demandait. Ah mais j'adore, moi je trouve ça vachement bien le logiciel libre. Le logiciel libre. J'ai un conseil clair, c'est-à-dire que moi, dans la plupart des architectures logicielles que je conçois, utilisent MySQL comme base de données, utilisent PHP comme langage, je veux dire, et tournent sous Linux. Je veux dire, moi, j'adore le logiciel libre. Et c'est très bien que le logiciel libre existe. Et c'est très bien qu'il y ait justement la possibilité d'avoir des logiciels qui soient gratuits. Mais, qu'on soit clair, un logiciel libre, c'est un logiciel qui a été décidé pour être gratuit. C'est-à-dire qu'il a été conçu en tant que tel. Et le « en tant que tel », j'espère qu'il va faire biper un petit peu dans le chat. Et voilà. Pour le coup, les licences... Alors, je sais que c'est très compliqué et je sais que c'est aussi une question générationnelle. Voilà. Je comprends la logique qui consiste à dire « moi, j'ai pas les moyens de me payer 3D Studio, 3DS, donc qu'est-ce que je fais ?» Donc moi, c'est pour ça, c'est ce que je disais aussi dans la FAQ, je dis « faites au mieux ». Mais en tout état de cause, si un jour, vous devenez des professionnels de 3DS ou des professionnels de Photoshop ou des professionnels d'Illustrator, payez votre licence, quoi. Voilà, c'est la base. C'est tant que vous faites ça en perso, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais il y a d'autres choses qui sont pas bien. Le jour où c'est votre boulot que vous gagnez l'argent avec, déconnez pas, quoi. Question amusante, est-ce que t'as eu des gens paniqués qui t'ont contacté suite à ta vidéo du 1er avril? Non, parce que non, les gens ont regardé, peut-être pas jusqu'au bout, ça je sais pas, mais au moins jusqu'à ce que je balance le fait que c'est un poisson d'avril. Par contre, c'est la vidéo, je me suis insulté. Ah ouais? Ah, genre, espèce de connard. Je vois. Et voilà, mais c'est d'ailleurs, il y a le prochain 1er avril qui arrive là bientôt. Oui, hier. Yeah. Et ceux qui se sont fait avoir C'est vrai que c'est bientôt parce que nous, on a déjà choisi ce qu'on allait faire. Et maintenant, mais moi aussi, j'ai choisi ce que j'allais faire et ceux qui se sont fait avoir l'année dernière m'attendent au tournant grave, quoi. Mais c'est pas grave. On parlait de Sagan. Que penses-tu de la série Cosmos avec Neil deGrasse Tyson? J'adore. Il y a juste un truc qui me fait chier, c'est qu'il m'a coupé l'arbre sous le pied pour un La Preuve par Vieux que je voulais faire sur Claire Pat Patterson, que je vais du coup pas pouvoir faire parce qu'il en parle, voilà. Mais j'adore cette série. Et justement, j'aimerais retrouver la version de Carl Sagan. La vieille? Ouais, la vieille, c'est des années 80. Mais voilà, parce que c'était même ambiance, c'était même genre de truc. C'était pas même effet visuel. C'était les années 80, quoi. C'était le début en plus des années 80. Mais c'était le même genre d'ambiance. Et ouais, non, j'adore. Sinon, on a Fine Muck, j'aime beaucoup ce pseudo, qui dit que Bruce, c'est comme Hawking, s'il n'était pas chauve, on le trouverait moins brillant. Ah, mais il dit ça parce qu'il a gagné un t-shirt aujourd'hui, Fine Muck. Ah ouais? Ouais. D'accord. Il y a une question de Pull la Moule, je savais que il ne fallait pas que je le prononce, qui demande, Bruce, est-ce que tu crois en Dieu? Alors... Tu n'es pas obligé de répondre. Ah, mais non, mais c'est... une question perso, mais je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce que je crois en Dieu? Non, mais à la limite... Spontanément, j'avais envie de dire, je vais pas répondre à cette question, mais en fait, c'est pas inintéressant. C'est tout en fait, tout dépend de ce qu'on appelle Dieu. Si on imagine un vieux barbu qui de loin dit voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, non, pas du tout. Ça, je crois pas du tout à ça. Personnellement, je ne crois pas que tout ce qui existe soit le résultat d'une pure coïncidence. Voilà. Et même si on se place dans un multivers où en fait toutes les possibilités existent et donc il finit par exister notre univers, ce multivers, il n'existe pas non plus par pure coïncidence. Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'en fait, il restera toujours quelque chose d'incompréhensible. Je crois qu'en fait, il y a à un moment donné l'espèce de mur de Planck de la compréhension du pourquoi. Il y a un mur de Planck qu'on dépassera pas. Voilà, on peut l'appeler Dieu si on veut. Ok. D'après ce que tu dis, tu dors peu. C'est du sommeil polyphasique. Je sais pas ce que c'est le sommeil polyphasique, j'avoue. Moi non plus, mais j'imagine que sommeil polyphasique, c'est la question, c'est de savoir est-ce que je fais et du sommeil paradoxal et du sommeil profond. Je pense que c'est ça la question. D'accord. Je sais pas, en fait. Ok. Mais si ça se trouve, je fais des apnées de sommeil. Il va falloir qu'on fasse des tests sur ton sommeil. J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que je peux tout à fait, quand j'ai pas de réveil, je me réveille frais et dispo. Signe que je suis reposé, signe qu'a priori j'ai fait des vrais cycles de sommeil. Maintenant, est-ce que j'en ai fait 4, est-ce que j'en ai fait 1, est-ce que je me suis à moitié étouffé au milieu du tout, je sais pas. Ok. On a Bruce Eacon, et c'est vrai que finalement t'en as pas donné quand j'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que tu as des conseils de bouquins? T'en as déjà pas mal parlé dans une FAQ. Première FAQ. Allez voir la première FAQ, je sais plus, c'est à peu près au milieu là, parce que pour le coup les bouquins j'en présente, je sais pas, 40 ou 50 quoi, donc un paquet, allez-y, faites-vous plaisir. Est-ce que tu t'intéresses à la médecine? Je m'intéresse à tout maintenant. À la médecine, je m'intéresse pas particulièrement à la médecine, mais je m'intéresse aussi à la médecine. Moi en fait, je m'intéresse au fonctionnement des organes. Je trouve ça génial. La différenciation des cellules, ce genre de trucs, j'adore ça. Ok. Et on aura l'occasion d'en parler parce que bientôt, alors je veux pas trop spoiler, mais bientôt on aura l'occasion de parler de biochimie. Voilà. Parfait. du coup là, une dernière question ou remarque d'une personne qui était là, et puis ça me fera parfaitement enchaîner sur la suite, qui dit: salut Bruce, j'aime beaucoup ta chaîne et je voudrais savoir, j'ai 22 ans, en étant étudiant en 3e année de cinéma d'animation 3D et 2D, je serais enchanté de pouvoir t'aider. Si tu as besoin de soutien, de réalisation, de conception, d'animation et de design, ce serait un rêve pour moi d'allier deux passions et d'en discuter avec toi. Comment je pourrais te contacter? Donc ça me fait enchaîner parce qu'en fait, si tu as envie, tu as besoin d'un coup de main pour des choses et quoi, on a une communauté formidable. Il faut savoir qu'on a plein de gens qui nous ont retranscrit des interviews qu'on a fait pour avoir la version écrite. C'est cool. Parce qu'il y a une vraie demande de version écrite en plus. Et donc là, c'est un exemple. Je pense que vous pourrez contacter via Podcast Science, comme ça on va te faire un filtre. Ça va être affreux, mais on va te faire un filtre. Et si tu as des idées d'aide ou quoi que ce soit. Moi, il y a un truc sur lequel je suis en ce moment. Et où je sais que ça va être compliqué, je sais que j'arriverai pas tout seul. C'est je voudrais avoir des sous-titres en fait sur mes vidéos. D'accord. Alors ça, évidemment, je sais que il y a aucune difficulté. Je sais qu'il y aura beaucoup de bonne volonté pour me faire la version en espagnol, en portugais, en russe, en plein de langues. Voilà. Le problème en fait, c'est que moi aujourd'hui, comme je n'écris pas les textes. Je n'ai même pas les sous-titres en français, en fait. Ouais, donc il faudrait faire... C'est ce que je fais, en fait. Moi, le truc que je peux faire, c'est depuis la vidéo YouTube, télécharger les sous-titres automatiques, qui sont dégueulasses, mais qui ont au moins un timecode qui est correct. Ouais, d'accord. C'est, mine de rien, c'est quand même le boulot, c'est quand même le truc chiant. Sûr. Voilà, mais à partir de là, moi je cherche des gens pour pouvoir retranscrire le français, déjà dans un premier temps, et ensuite faire des sous-titres en anglais, puis en espagnol, en allemand, tout ce que les gens... Là, t'as frappé à la bonne porte, parce que les retranscriptions, c'est un peu ça. Hein. Ah bah putain, avec plaisir. Hein. Ok, écoutez, l'appel est lancé, donc vous pouvez le contacter, mais toi, c'est plutôt par Twitter et YouTube, du coup. Ah mais là, qu'on soit clair, là, c'est srt@ie-pensee.com. D'accord. Il y a déjà une adresse mail. Ah mais attends, c'est prévu, ça. C'est srt@ie-pensee.com. Ok, parfait. Voilà, on arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oubliée, que tu aurais souhaité aborder? T'en as zappé une un peu vite sur la géologie. Est-ce que... Ah oui, j'ai oublié. Oui. C'est un peu comme sur la médecine. Est-ce que tu t'intéresses à la géologie? Alors oui, c'est parce que j'ai tapé sur la géologie. En fait, c'était une blague à propos de Big Bang Theory. Et c'était aussi c'était l'histoire de me moquer aussi de scientifiques qui considèrent que certaines sciences sont plus sérieuses que d'autres. Alors évidemment, il y a des sciences plus sérieuses que d'autres. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que l'astrologie, c'est une science. C'est aussi ça. Mais pour moi, il n'y a pas... La géologie, ce n'est pas moins sérieux que la chimie ou que l'astronomie. Et même la sociologie, l'histoire, la géographie, ce ne sont pas des sciences moins sérieuses. Ce sont des sciences, en fait. C'est au sens strict. C'est-à-dire qu'il y a une méthode scientifique qui est appliquée pour décrire tous les modèles qu'on met en place. Ce qui n'est pas le cas pour l'astrologie. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'astrologie. Moi, j'ai discuté. Et on le rappelle à tout le monde, vos signes ne sont plus d'actualité. Les planètes ont bougé depuis qu'ils ont été inventés. Mais ouais, non, mais c'est. Moi, ça me rend fou de voir de discuter avec des gens, mais ça, c'est pareil. Tu vois, c'est... Et des gens qui. Tous les arguments sont valables. Mmh. Tous les arguments passent. Non, mais si, bien sûr. Et voilà, mais c'est vrai. Ok, donc, quoi, autre chose que tu voulais aborder ou on est bien là? Non, moi, je suis tranquille. Hein. Moi, je suis au calme. Parfait. Je suis pour Zaï. Du coup, on peut te retrouver où sur l'Internet mondial? Sur l'Internet mondial, on peut me retrouver sur YouTube, on peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur Twitter. D'accord. Et globalement. Puis, et on peut me retrouver aussi sur Snap, j'ai le site ypensée.com, il va falloir que je le fasse, que je rajoute un peu des trucs, parce que pour l'instant, c'est juste l'agrégateur des vidéos de la chaîne. Plus j'ai un Instagram que j'utilise pas, j'ai un Vine que j'utilise à peine. T'as et puis, un Google Plus que pareil. J'ai un Google Plus. Voilà. Et j'ai même un Snapchat. Et j'ai un Snapchat. Oh, yeah. J'ai un Snapchat, c'est la classe, j'ai pas de Daily Boobs dessus, j'ai rien. C'est propre, quoi. J'ai des messages. C'est moi, au début, quand j'ai balancé le Snapchat, j'ai des potes qui m'ont dit « Mais t'es malade, mais tu reçois des trucs de dingue et tout. » Les trucs les plus dingues que j'ai reçus, c'est des gens qui m'envoient une photo de leur visage en train de sourire en faisant le pouce levé avec la main en disant « J'aime beaucoup ce que tu fais, mec. » Voilà. Truc de malade. Donc là, non, c'est des dingos. Et sinon, donc, du coup, t'as une chaîne... Enfin, t'es sur Tipeee, ça, on a déjà parlé. Vidéosciences, Bibliothèque d'Alexandrie, enfin... Non, c'est pas bibliothèque, vidéothèque d'Alexandrie. Mais j'y suis pas à vidéothèque d'Alexandrie. Hein. Ah, t'y es pas, non, j'y suis pas. D'accord, t'y es pas. Non, j'y suis pas, mais c'est tous des copains. C'est okay, voilà. Excuse-moi. Mais ceci dit, voilà, les gens, j'y suis pas, mais allez-y quand même. C'est okay. Comme Solitude, voilà, le site Solitude avec un S à la fin.fr. Voilà, c'est un super site. Mes vidéos sont partagées dessus. J'y vais de temps en temps, mais c'est un site à découvrir sur lequel on peut échanger avec des vrais gens sur des sujets intéressants. Ok. Super, bah merci beaucoup. On va juste rapidement finir sur la fin. Est-ce qu'on a encore Irène sous la main? Les autres? Non, elle a dû retourner. Non, elle est repartie bosser. Parce que comme elle a dû retourner bosser. Parce que c'est Irène qui nous fait une émission la semaine prochaine. Donc, c'était pour le pitch la semaine prochaine. Donc, je vais faire le pitch à sa place. Et on reprend là où on a laissé dans l'épisode 197, cette histoire parfois sulfureuse du sang en médecine. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les techniques de transfusion de sang se sont grandement améliorées, mais avec les progrès de la médecine, la meilleure connaissance des maladies, les techniques opératoires qui s'améliorent et les traitements qui vont de pair, les besoins en produits sanguins ne font qu'augmenter. L'or rouge coule à flot, on ne peut finalement pas trop s'étonner que certains n'y voient qu'une manne d'argent à exploiter sur le dos des pauvres. La situation mondiale devient explosive dans les années 70 et les scandales éclatent, même dans un pays comme la France où le don du sang a toujours été considéré comme un acte de solidarité bénévole. Donc voilà, on fera une deuxième partie sur le sang la semaine prochaine. T'as pas encore parlé de sang, toi ? Non. Ok, bah du coup, on passe à la quote. Donc, tu nous as ramené une quote. Ouais, j'en ai ramené deux, en fait, j'hésite. Tu peux faire les deux. J'hésite. Alors, la première, mais parce que la première, en fait, c'est. Les gens vont croire que c'est. Les gens vont croire que c'est juste histoire d'eux, alors que pas du tout, en vrai, c'est une vraie quote que j'ai. C'est. La science, c'est passer d'un étonnement au suivant. De passer d'un étonnement à l'étonnement suivant. C'est de qui ça ? Aristote. Ah, c'est Aristote, comme quoi. Mais c'est pas des vannes, mais voilà, parce que à côté de ça, c'est un mec qui, quand il réfléchit, il est brillant. C'est juste quand il pense qu'il démontre des choses, qui parfois il l'est moins. Mais voilà. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est celle de Niels Bohr. C'est la réponse de Niels Bohr à Einstein qui dit « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire ». Parce que c'est une question qui soulève, qui en soulève plein d'autres. Parce qu'effectivement, Einstein partait de ce postulat. Parce qu'Einstein, c'était, on va dire, ça peut être éventuellement son défaut. C'est qu'est-ce qui permet à Einstein de partir de ce postulat que que l'univers devrait être élégant. Que les lois de la physique devraient être élégantes. Qu'est-ce qui lui permet de partir de là? Parce qu'il pense, parce que lui, il dit Dieu ne joue pas au dé, quoi. Il dit Dieu, il fait sa propre. Il dit, mais qui tu es pour savoir ce que Dieu trouve propre, ouais, ou pas, quoi? C'est un non-sens. Et c'est vrai que moi, j'ai une tendresse particulière pour les mecs de cette époque-là, pour tous les mecs de l'époque Solvay, en fait, pour faire simple. Les mecs et les femmes. C'est vrai qu'elles étaient moins nombreuses pour le coup, parce qu'elles avaient pour la plupart pas le droit de bosser. C'est des types quand même qui ont révolutionné la façon dont on voyait le monde, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même avoir une sacrée paire de bollocks pour se pointer et dire en fait, la vraie nature de la physique, c'est que tout est flou et que, en gros, tant qu'on prend pas la mesure, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ça valait le coup de faire des équations. En gros, tant qu'on mesure pas, on sait pas. Moi, pour moi, pendant longtemps, la mécanique quantique, c'était un aveu d'échec, et alors qu'en fait, il se trouve que les mesures, ça fait ça, quoi. Donc... Alors, moi, la mécanique quantique, je trouve ça génial. Mm-hmm. Ok, bah merveilleux. Du coup, on passe rapidement au plug. On a deux plugs principaux. Le premier plug, c'est que la semaine du cerveau à partir du 16 mars à Lausanne, l'info est remontée par notre chère amie Clara Moreau qui est venue nous parler justement du cerveau. On vous mettra les infos dans les notes de l'émission, mais il y a plein de conférences intéressantes prévues sur la théorie génique, une médecine plus humaine grâce aux machines. Bon, je sais pas trop. Le point sur l'autisme, le cerveau malléable, etc. Donc on vous mettra dans les notes de l'émission le lien, c'est à Lausanne en Suisse. Et sinon, le 21 mars, a lieu la première édition de Lyon Science, donc une émission de podcast science, mais en fait c'est pas une émission de podcast science, c'est un événement organisé par d'autres des chers amis du café et auquel on participe et on va faire une émission. Donc il y aura Alan, il y aura moi-même, il y aura Julie qui seront présents. Vous retrouverez aussi David Loureiro, Pierre Kerner et un tas de blogueurs. Il y aura 2 heures d'intervention sur tout plein de sujets. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre Lyon Science sur Twitter, vous inscrire sur Facebook, visiter le site www.lyon-science.fr. Et d'ici là, on vous tient au courant chaque semaine pour vous rappeler de venir. Je crois que je devais faire passer le message aussi qu'il serait ravi que tu viennes, même si je leur ai dit que tu n'aurais pas le temps. Mais je fais passer le message. On en parle. C'est le 21 mars à Lyon. Mais comme je voyais que tu avais du mal à répondre aux mails, je me suis dit que tu n'aurais sans doute pas le temps de te déplacer jusqu'à Lyon. Mais moi, si tu veux, c'est à la limite, je pourrais te répondre si c'était après-demain. Après-demain, je pourrais te répondre, mais dans un mois, là, c'est loin. Donc, on va conclure alors. Du coup, on a eu plein de nouveaux ce soir. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes. On a parlé depuis 200 épisodes de plein de choses de sciences diverses et variées. C'est pas du tout le même format que Bruce, mais c'est hyper intéressant. Je confirme. La philo est la même, c'est de parler à des gens qui sont curieux, qui sont adultes, mais qui sont pas des spécialistes. Et puis, si ça vous a plu, nous de likes, de commentaires, de petites étoiles sur SoundCloud, Twitter, Facebook, YouTube et bien sûr sur notre bon vieux site podcastscience.fm. C'est pas tout ça, mais il faut rattraper les 202 512 followers de Bruce. Je crois que nous, on est à quelques milliers. En tout cas, merci beaucoup à Bruce d'être venu, à Pascal d'avoir rebooté la chatroom une vingtaine de fois pour que ça fonctionne. Yep. Et puis, d'ici là, que servir la science soit votre joie.